Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Avant de commencer l'émission à proprement parler, vous connaissez les rappels habituels auxquels je vais me livrer. Donc je rappelle que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle, ainsi que sur Telegram, toujours avec l'adresse Oremus officielle, vous pouvez nous trouver. Et aujourd'hui, on va faire une émission spéciale, on va dire une émission très dense, sur la tradition, le modernisme. Vous allez voir, on va rigoler aussi un petit peu. Et je vais d'abord, avant de commencer l'émission, présenter les différents membres. Je commence par Belloc. Belloc, bonjour, comment ça va ? Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Salut Bobby, salut à tous les camarades, à tous nos auditeurs. Écoute, l'actualité est trépidante, je pense qu'on va bien rigoler. Elzinko est avec nous. Elzinko, comment ça va ? Ça va très bien, Bobby. J'invoque la Vierge Marie pour qu'elle garde nos langues. De ne pas être trop grossier dans ce cas, mais je promets rien, je vais faire des efforts. Rex aussi est avec nous. Rex, comment ça va ? Ave Bobby, ave à tous, et puis voilà, tout va bien. Je suis dans mon bureau aménagé, dans ma chambre avec mon air et mon vélo, donc rien ne manque au cocktail. Très bien messieurs, je vous propose de commencer par le premier sujet, un sujet positif, rigolo, qui nous est présenté par le site France TV Info, donc France Info, avec des catholiques pratiquants de plus en plus nombreux à voter à l'extrême droite. Alors, je fais quand même une petite précision, c'est qu'au moment où on enregistre cette émission, les élections européennes se sont déroulées et les élections législatives vont se dérouler. Donc, n'attendez pas de nous qu'on parle des résultats des législatives. On n'a pas encore de boule de cristal, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Pour l'instant, France Info nous parle des élections européennes et nous dit ceci. En 2019, ils avaient voté à 18% pour des listes d'extrême droite aux européennes, en parlant des catholiques. Ils étaient 42% à faire ce choix lors des élections du 9 juin 2024. Et dans le détail, 32% ont choisi le Rassemblement National et 10% se sont tournés vers le parti Reconquête d'Éric Zemmour. La sortie de la messe à Rambouillet, dans les Yvelines, Florence a presque du mal à croire qu'elle a choisi pour la première fois de sa vie d'électrice une liste d'extrême droite. Donc j'aime bien le ton qui est employé, on a l'impression qu'elle a tué quelqu'un, quoi. Donc elle nous dit, Florence... Je n'ai pas voté pour le Rassemblement National, mais pour Marion Maréchal, donc parti Reconquête. Je n'aurais jamais cru faire ça un jour. Elle est choquée. Le programme de la majorité présidentielle qu'elle soutenait plutôt jusque-là l'a plus que déçue. La seule idée concrète, c'était d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Je me suis dit, vraiment, on n'a que ça à faire. Cela m'a paru totalement ahurissant, explique la fidèle. Peu à peu, Florence a donc fait ce chemin vers le vote d'extrême droite. Pourtant, je suis quelqu'un de modéré, poursuit-elle. Avec un vrai souci de l'attention à l'autre, aux plus pauvres, la question de l'immigration et de tout ce qui était de l'extrême droite, le fait qu'il y ait un rejet de l'étranger, ça me gênait beaucoup. Cependant, Florence estime qu'il n'y a jamais eu de solution chez les gens modérés pour vraiment accompagner les migrants de façon satisfaisante. Donc alors apparemment, Florence, ça y est, elle a franchi le cap, elle est nazie. Quelle horreur ! C'est horrible ça ! C'est un truc de nazi ! Ouais, enfin, ça sent un peu... Pas dire l'hypocrisie, mais bon, un petit peu quand même. C'est ce qu'il dit le témoignage suivant, le Marc, c'est pareil, tu vois, il dit c'est un peu anti-catholique, on devrait nous... Alors il dit ça, c'est anti-catholique, mais d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir voté pour le Rassemblement National. On devrait nous accueillir tout le monde. Au nom de quoi, de qui, c'est marqué où, je sais pas. Dans l'encyclique Mit Brennender Sorge, selon les royalistes. Ils ont des traductions de l'évangile que je ne connais pas. Bon, il y a du positif et c'est assez intéressant parce que là, il y a du ex-macroniste en quelque sorte qui bascule. Donc là, ils disent que ce sont essentiellement des catholiques pratiquants. Bon, et très souvent, pour l'immense majorité d'entre eux, ça concerne les diocèses, les ralliés et tout ça, très certainement. Donc il y a quand même une petite remise en question, même s'ils ont l'air un petit peu d'halluciner, ça bascule dans le bon sens. Et même si, en effet, Rassemblement National ressemble de plus en plus aux autres partis, il s'est dédiabolisé, il avance, mais en trahissant ses propres idées. Donc ça n'a pas une haute signification non plus de voter. Quoique là, sur Zemmour, c'est plus sur les thèmes un peu remigration. Donc ça franchit un léger cap de plus, on va dire. Mais la situation empirant, je pense que voilà, comme les plaques tectoniques se dirigent un peu toutes seules, avec ou sans notre apostolat, de toute façon, les gens vont être de plus en plus comme ça. Et ça, par rapport à une nouvelle droite paganos très rageuse qui ont tendance à dire ouais, les catho-gauchistes, ceci, cela. Alors je pense que ça change aussi à cause de le conformisme, il existe quand il y a beaucoup de confort, et comme il y en a de moins en moins ces dernières décennies, j'ai l'impression que voilà, c'est aussi cet aspect économico-social un peu tout bête, mais que les gens subissent et vivent, quoi, en plus de du thème d'insécurité qui est archi fameux. Quoi. T'as raison, hein, il faut distinguer le programme de Rassemblement National qui est effectivement de gauche. Bon, pour quelqu'un qui est vraiment de droite et qui a les idées claires, il n'y a rien qui est vraiment de droite dans le programme du Rassemblement National. Mais la plupart des votants, ils ne vont pas vraiment au fond des choses. Et pour eux, en un sens, ils votent quelque part pour quelque chose d'extrême droite, pour Adolf Hitler. Enfin. Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises ? Vous êtes un peu hitlérienne, non ? Caricature un petit peu, mais c'est ce que la Florence elle dit, vu que c'est l'extrême droite, que c'est le racisme, etc. Et les gens votent de plus en plus pour, donc ça montre quand même qu'il y a une barrière psychologique qui est en train d'être abattue. Et ça on peut s'en réjouir. Alors après, on peut se demander pourquoi, effectivement. Alors, à mon avis, la raison principale, c'est que la situation est de plus en plus ouvertement catastrophique en France. Donc, les gens commencent à souffrir. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? J'imagine, ne serait-ce que dans leur patriotisme, de voir la France devenir ce qu'elle est, ça fait souffrir. Donc, la souffrance peut-être fait tomber les œillères gauchistes de certaines personnes. Et ça, je pense qu'on peut s'en réjouir. C'est vrai qu'on leur a dit aux Français, ça fait un petit moment maintenant, que tout ce qui était un peu à l'extrême droite en termes d'échiquier politique, c'était forcément nazi, que les nazis c'était méchant, et que bien sûr le Front National c'était la même chose que le Rassemblement National, avec ou sans Jean-Marie Le Pen. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon, mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc on leur a fait croire qu'en gros le FN c'était des nazis, alors moi j'aimerais bien, voilà, ça me ferait plaisir, mais malheureusement non. Je crois que dans le dernier entretien de Rivarol, Jérôme Bourbon avait dit que le RN, c'était même pas le RPR des années 90. Je crois que c'est comme ça, plus ou moins, qu'il l'avait dit. Il a tout à fait raison. Ça vaut pas grand-chose, quoi. Les délinquants interpellés à Paris sont des étrangers. De même qu'un tiers ou presque des prisonniers en France sont des étrangers. De même que 75% de ceux qui sont interpellés pour trafic de drogue sont des étrangers. Eh bien, ces étrangers, monsieur Fabius, il faut les expulser immédiatement et les remettre entre les mains de la police de leur pays d'origine. Donc c'est la meilleure offre politique, on va dire, légale avec Reconquête. Dommage, j'attends quelque chose plus à droite. Et comme disait Rex, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez regardé par exemple les débats ou même que ce soit avec les candidats ou même les gens finalement qui prennent la parole sur ces sujets-là. On va dire que 80-90% du temps qui est alloué se base sur des questions purement économiques, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas voté pour le Rassemblement National uniquement pour des raisons de sécurité et encore moins des raisons identitaires. C'est galère, quoi. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ah. Tout simplement, ils galèrent, ils veulent un changement facile, donc on vote. Les vrais changements passent nécessairement par le vote. Si c'est économique, c'est bien, mais si vous voulez... Si on parle que de ça, on parle de rien, en fait. C'est pas la ligne sociale de Soral, du coup, qui a été amenée au RN. Là, c'est plutôt... Il y en a marre de... Un tel aussi, peut-être. Il y a cette théorie. Mais le Front National est à 30% c'est aussi. C'est pas Tallinn qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bon, après, de cette évolution notable, bon, je pense qu'il y a un terreau fertile quand même, dû à voilà, ces changements un peu sociaux dont on parle. En plus, il y a eu quand même pas mal de crises à l'échelle de la France et de l'Occident. Les gilets jaunes, le délire Covid, la réussite de Trump qui est un petit peu un truc non prévu. Il y a eu un genre de président conspi à la Maison Blanche, quoi. Il y a eu des petits bugs dans la matrice qui font que même en face, les régimistes sont un petit peu plus tendus, quoi. Et donc là, bon, l'autre truc qui les fait basculer, et ça c'est peut-être encore plus intéressant finalement, c'est même, je crois que le Florence l'avait dit, l'un des deux témoignages là avec Marc, du genre, voilà, thème de l'avortement sacralisé dans la Constitution, machin. Donc en fait, je pense qu'ils en sont un petit peu le genre de cato, l'actualité manif pour tous, quoi. Donc tous ces thèmes de droit à la vie, ils sont sensibles. Bon, oui, sachant que Le Pen, elle a voté pour l'inclusion du droit à l'avortement dans la Constitution. Donc c'est pas vraiment... Oui, et rappelons en fait que sur les 88 députés, avant la dissolution, 88 députés RN, il n'y en a que 11. Je crois qu'ils se sont abstenus, qui ont voté négativement contre cette constitutionnalisation. Donc, en soi, ça n'a pas vraiment de poids, en fait, ce vote. Si on parle de défense de la vie, comme l'avortement ou autre. Donc là, ça n'a, en fait, je pense que c'est pas très rationnel comme choix. Je pense que c'est plus, comme vous l'avez dit, des barrières qui tombent. Les gens ont quand même un peu moins peur de se lancer. Un peu, ils se disent, allez, je vais tester, je vais voter extrême droite, bon, ce qu'ils appellent extrême droite. Et on va bien essayer, quoi, parce que je pense que l'offre politique dans les partis dans lesquels ils votent habituellement, elle est nulle. Bon, celle du RN, bon, elle n'est pas terrible non plus, mais pour eux, c'est quelque chose, en fait. Si on met de côté le programme du RN, comme l'a dit Zinko, c'est l'image RN, quoi, l'extrême droite. Enfin, ils se sont dit, il y a peut-être des solutions là-bas. C'est pas très rationnel, c'est à moitié rationnel comme choix, je pense. C'est pas tout à fait raisonné non plus. Ouais, bah, ils se fourvoient, hein. Et puis nous, on est là un petit peu pour récupérer la mise, hein. Je pense que c'est un peu notre devoir d'essayer de former ces gens-là. Comme je disais, ils sont un peu dans l'actu Manif pour tous, donc à mon avis, la Manif pour tous, c'est quand même un truc, un entre-deux, pied-à-terre au Parlement européen, enfin voilà, ils essayent de démarcher des structures démocratiques et tout à fait officielles. Nous, on n'est pas du tout là, on sait que c'est un peu vérolé d'avance, mais c'est quand même un début de basculement, quoi. Et qu'est-ce qui est Manif pour tous, toi, à ton sens, encore aujourd'hui? Parce que Manif pour tous, c'était contre, justement, le mariage homosexuel. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule voix discordante, enfin, que je sache, en France, sur ce sujet-là. Oui, tu sais, chaque année, tu as la marche pour la vie en janvier. Là, en fait, tous ceux qui agissaient dans la manif... Oui, ça, c'est contre l'avortement, ouais. Mais après, sur le mariage homosexuel, parce que vous parlez... Enfin, il y a plusieurs sujets. Il y a la question, en fait, de la vraie cause de tout ce qui nous arrive en France. Et moi, ma conviction, c'est que la vraie cause, c'est qu'on se détourne de Dieu et qu'on se plonge dans des abominations qui lui font horreur et il frappe notre pays. Et une des abominations qui lui fait le plus horreur, c'est l'homosexualité. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Si vous avez des solutions soi-disant politiques qui se concentrent simplement sur des conséquences comme les problèmes économiques, ou ce genre, c'est vraiment des effets lointains de la vraie cause. Et que si vous attaquez pas à cette cause-là, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Moi, je me demande dans quelle mesure ces gens qui se mettent à voter pour l'extrême droite, entre guillemets, alors oui, ils font sauter des barrières, donc allez, je vais oser, mais pourquoi? La question, c'est qu'est-ce qui les motive vraiment à faire ça? Est-ce que c'est vraiment un désir de vérité, de retourner à ce qui est vrai, à Dieu, ou est-ce que c'est simplement que ça devient trop désagréable, en fait, d'avoir des Africains partout, d'avoir notre langue qui s'effondre, notre culture qui s'effondre, et simplement par c'est un peu une forme de consumérisme, quoi. On veut jouir un petit peu mieux que ça, et du coup on se tourne vers l'extrême droite, mais c'est pas une intention comme ça qui va résoudre, à mon avis, on n'en est pas encore au retour au vrai qu'il faudrait. Et un des symptômes, c'est justement, il n'y a plus rien, à mon sens, contre le mariage homosexuel. Il n'y a pas d'offre sur ces choses-là. Ah bah, tu ne peux pas compter sur le RN pour faire une offre là-dessus, parce que entre Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu, je ne suis pas sûr qu'ils soient... Oui, il n'y a que le parti est infesté d'homosexuels, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est plus le FN de Pierre Sergent, Roger Olyndre, Jean-Claude Martinez et tout ça, c'est sûr. Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! C'est assez confus, en fait, les raisons diverses qui ont poussé le Rassemblement national à atteindre d'excellents scores aux européennes. Je pense qu'il y a un peu de, ouais, il y a un peu de ras-le-bol, j'en plein cul des Arabes, on va dire. Je galère à la fin du mois, j'en ai marre que mon pays se fasse piétiner. C'est une bouillie, en fait, là-dessus, et je pense que, bon, déjà, ça va être un premier pas, parce que les gens qui vont assumer un vote Rassemblement national, et qui ne sont pas nazis, donc 99% des gens, ils vont être traités de nazis quand même. Peut-être que certains, à force, vont se dire, bon, bah, quitte à me faire traiter de nazi, autant être nazi, quoi, je veux dire, peu importe. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être aussi un coup à jouer pour nous, quoi. C'est-à-dire que c'est plus une barrière, parce que le chef ne porte plus le nom Le Pen, et maintenant, ça porte le nom Bardella, donc peut-être que ça passe un peu mieux. Il faut se nourrir aussi de ces opportunités-là, à nous de faire notre terreau, pour avancer nos thèses et nos idées, quoi. On parle un peu moins de sujets de genre, ok, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances en été et en hiver, et puis est-ce que je vais pouvoir bien remplir le frigo, etc. Et on parle un peu plus de sujets profonds, à savoir, ok, qu'est-ce qu'on fait du pays, tout simplement, quoi. Quelle direction globale on donne au pays? Est-ce qu'on a envie de vivre en Afrique comme ça dans 20 ans? Par rapport à l'immigration, notamment, le programme du RN, c'est totalement nul maintenant, parce qu'ils ont totalement abandonné la remigration. Maintenant, c'est un peu immigration zéro, c'est-à-dire maintenant, on arrête l'immigration, mais on garde tout le monde, en fait. Enfin, quelque part, c'est positif de voir que les gens, quand même, se réveillent un petit peu. Hein. Je veux pas être trop négatif, mais quelque part, c'est un peu instinctif. Je pense, ils se disent « Ah, je vais voter ça, parce que, voilà, on en a marre, on n'en peut plus. » Si c'est pour finir, comme chez Giorgia Meloni en Italie, c'est pas la peine. Hein. Non, bah, d'ailleurs, il faut avoir les photos d'elle à Mayotte, hein, pour comprendre. Ah oui, mais ils ont une pièce d'identité, c'est marqué français dessus. Donc, bah, ils sont français, alors. Je suis contre ce mariage. J'avais dû comprendre, oui. Je ne suis pas raciste, mais j'aurais préféré que mon fils épouse une noire, une africaine, ivoirienne. Moi non plus, je ne suis pas raciste. Et j'aurais préféré que ma fille épouse un blanc européen français. Ah, vous aussi, vous êtes contre? Évidemment. Et dire que je vous prenais pour un communiste? Un communiste, moi? Je suis gaulliste, monsieur. Ah, moi aussi. Oui, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Enfin, qui pensent que si le RN est au pouvoir, il y a tout le monde qui va rentrer, quoi. Enfin, ça doit être flou dans leur imaginaire, mais... Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tienne là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là, tu commences à nous gonfler. Je partirai. À mon avis, il y en a beaucoup qui tomberaient des nues, en fait, en voyant un vrai pouvoir de Marine Le Pen pendant 5 ans. Un petit peu comme beaucoup d'Américains ont été déçus par Donald Trump, à mon avis. Ouais, ils s'attendaient à beaucoup de choses, ce qui est un mur qu'il avait annoncé. Bon, elle, au moins, elle annonce rien, donc c'est au moins... Ou Mélanie, d'ailleurs, vu qu'on parlait de Mélanie, pareil, hein, même des illusions. Oui. J'essaie toujours de trouver les éléments les positifs, même si des fois... C'est pas toujours évident, parce que des fois, quand on voit l'état du pays et puis la réaction qui est en face, on se dit ça devrait être beaucoup plus vif, quoi. Il devrait avoir. Oui. Mais bon, il y a quand même une velléité, il y a quand même quelque chose de positif ou un potentiel positif du côté du peuple. À mon avis, il faut le reconnaître. Après, du côté de l'offre politique actuelle, il faut le dire, c'est une catastrophe absolue. Et donc, il faut aussi faire la critique de l'offre actuelle. Il faut dire que c'est absolument inacceptable d'avoir des homosexuels dans nos mouvements politiques, d'avoir des impies, des apostats dans nos mouvements politiques. Il faut d'abord chercher à faire le ménage chez nous. Il faut garder en tête que c'est Dieu qui décide de la destinée des pays et qu'il faut chercher à s'attirer sa bénédiction. Et donc, on ne peut pas s'attirer sa bénédiction si on pratique nous-mêmes les vices qui excitent sa colère. Donc ça, je pense qu'il faut se l'appliquer à nous-mêmes, personnellement, et qu'il faut utiliser ces critères-là pour critiquer ce qu'on nous offre, quoi. Voilà. J'allais dire, dans l'article aussi, il y a bon, cet aspect que vous avez un peu dénoncé, où ils disent « Ah, j'ai voté extrême droite, et en tant que catholique, je ne devrais pas ». Du coup, le rédacteur de l'article en profite pour enfoncer un peu le clou. Ils disent « Ah, c'est un peu comme s'ils avaient oublié Jésus », tout ça, parce qu'il y a toutes ces phrases bergoliennes il faut en parler, où il faut les accueillir. Et en fait, là, on a même certains dans notre camp qui vont nous vanter certaines déclarations de Pie XII. Pie XII n'est pas éclairé sur tous les sujets, et en plus il n'a pas connu vraiment notre période moderne, parce que 1958, voilà, il n'a pas vu l'immigration ce que c'était. Dans les règles du magistère quand même, si on accueille des réfugiés, ce sont des véritables réfugiés, pas des gens qui sont passés par des réseaux de passeurs, on ne sait pas trop ce qui fuit, à part leur pays de bouse, là, ou des trucs comme ça. Ouais, là, c'est un petit peu différent. Il faut voir le nombre aussi, il faut voir la matière que ça donnait, quoi. Le nombre de réfugiés en question. Enfin, l'Italie était italienne, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas le nombre d'immigrés qu'on a actuellement. Enfin, tu le téléportes, tu le mets maintenant en 2024, et tu dis, tiens, regarde un peu la France. T'as 20-25% de métèques comme ça dans le pays, ils tombent dans les pommes, quoi. Hein. Oui, en plus, ouais. La plupart de ces immigrés, c'est souvent que des hommes. Hein. On parle de réfugiés. Moi, quand je pense à réfugiés, c'est plutôt des familles en général. Mais là, c'est des hordes d'hommes, en fait. Hein. De jeunes souvent hommes. Musulmans. Et souvent musulmans et souvent africains. Exactement. Quand vous les voyez ici, ils sont par horde d'hommes, en fait. Il n'y a pas de famille, quoi. Si c'était réfugiés, il y aurait quand même des familles. Autre, mais là, Kenny, donc c'est. On nous enfume un peu avec ça, avec les réfugiés, l'accueil de l'étranger. Mais en plus, ça doit se faire de manière parcimonieuse. L'asile, c'est toujours parcimonieux. Il y a des conditions. Là, c'est on accueille tout le monde sans problème. Et le problème, c'est que aussi les catholiques, hein, du moins les conciliaires, eux, ils sont très en avance là-dessus quand même. Ils sont souvent d'ailleurs en avance sur la politique qui se mène. Et eux, ils valident totalement. Ce qui fait que maintenant qu'ils soient à 32% quand même, parce que je pense que bon, c'est peut-être tous les catholiques compris, mais il doit y avoir beaucoup de conciliaires dans les 32%, et c'est quand même un changement chez eux, parce qu'ils sont souvent habitués à la soupe bergolienne, entendre ça tous les dimanches, je ne sais pas si ça existe, mais les conseils de vote, limite des prêtres, ce qui en tient lieu, et voilà. Alors, je peux me permettre de préciser les chiffres, justement, pour qu'on soit assez clair dans ce qui est avancé par France Info. Donc, c'est les statistiques sur les catholiques pratiquants. Ça change quand même beaucoup de choses, je pense. Et donc, je répète, c'est 32% pour le RN et 10% pour Reconquête. Je pense que c'était une bonne opportunité de regarder ce que dit saint Thomas sur la bienfaisance et sur la charité, selon l'idée qu'on doit venir, on doit accueillir tout le monde chez nous, hein, d'après ce Marc. Alors, il nous dit que l'amour de charité, il est universel, c'est vrai, il s'étend à tous, mais dans les limites exigées par les circonstances du temps et du lieu. Qui fait qu'on doit refuser les bienfaits à certaines personnes, aux excommuniés, aux ennemis de l'État, en tant qu'on les empêche ainsi de pécher. Je me posais la question, dans quel cas il serait licite d'accueillir chez toi, dans ton pays, définitivement des gens d'un autre pays? Et je vous avoue que je n'ai pas trouvé pourquoi ces gens-là viennent chez nous. Est-ce que la grande majorité, d'après vous, viennent parce qu'ils sont vraiment en danger de mort imminente, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils veulent plus de confort, en fait, tout simplement pour des raisons, d'ordre qui tiennent du péché, en fait. Donc si vous accueillez des gens pour les conforter dans leur paresse ou dans leur avarice, il y en a beaucoup, on voit des vidéos sur Internet d'Africains qui parlent de toutes les allocations qu'il y a en France, en fait, ça va contre la charité que vous les accueillez, parce que vous encouragez ce péché-là chez eux. Vous validez ce péché-là, donc rien que du point de vue de leur propre salut, du point de vue de la mort de charité. Alors en fait, c'est complètement galvaudé, hein, les gens, ils oublient que la charité se rapporte à Dieu d'abord, mais même de ce point de vue-là, en fait, vous leur faites du mal. Donc ça, c'est la première chose, je pense que vous faites déjà un énorme tri. Après, vous avez ceux qui viennent, d'accord, parce que chez eux, c'est la guerre, etc. Mais il faut se rappeler aussi que la guerre, c'est un châtiment divin. Donc si vous avez la guerre chez vous, c'est peut-être aussi un châtiment de vos péchés. La meilleure façon de vous aider, ce serait peut-être de faire en sorte que vous améliorez votre propre bien commun chez vous. Donc dans ce cas-là, à nouveau, c'est pas... Ouais. Ouais, excuse-moi, d'autant plus que, on ne va pas se mentir, les fameux immigrés qui nous posent problème et qui sont en nombre en France, c'est des Algériens. Alors les Algériens, l'Algérie, ce n'est pas un pays en guerre. Je sais que, vu la façon dont est construit le pays, qu'il n'y a plus un bâtiment qui tient en place, on a l'impression que c'est un pays en guerre. C'est pas un pays en guerre. C'est un pays très stable, même politiquement. Même si vous parlez d'un autre pays, je sais pas, si vous prenez l'exemple, j'en sais rien, d'un pays d'Afrique noire comme le Cameroun, on a beaucoup de Camerounais en France. Bon, bah, le Cameroun, c'est la côte ouest, là où il y a le fameux creux du continent africain. Bon, bah, c'est pas la porte à côté non plus, quoi. C'est-à-dire que si jamais t'es en danger de mort, je sais pas pour quelle raison, au Cameroun, t'as plein de pays en Afrique, pourquoi est-ce que t'iras en France, quoi? Quel rapport? Tu vas en France, parce que tu veux vivre La gamelle, elle est bonne. Tu veux vivre à l'aise. C'est pas parce que t'es en danger de mort, sinon tu as même intérêt à aller dans un autre pays africain. Leurs intérêts sont purement matérialistes. Hein. Oui, oui. Mais dans ce cas-là, ce sont des pêcheurs. Voilà, c'est des gens qui viennent par avarice, par paresse, par gourmandise. Et on peut pas valider ça. L'amour de charité, il y a, comme dans l'amour politique, il y a un ordre. Et l'ordre, c'est celui de la proximité. C'est-à-dire qu'on doit aimer celui qui est plus proche de nous. Qui est le plus proche de nous, bon, c'est notre voisin, c'est notre famille. J'entendais tout à l'heure l'évêque Galliot, qui parle beaucoup d'ailleurs, et sur toutes sortes de sujets, déclarer qu'il n'y avait qu'un seul combat pour lui, c'était le combat de l'homme. Moi, j'avais cru comprendre que pour les évêques, c'était le combat de Dieu. Mais enfin, après tout, peut-être que Monseigneur Galliot est une sorte d'évêque comme je n'en fréquente pas beaucoup. Alors, et quant à la fraternité, personnellement, moi, je suis de ceux qui la souhaitent de tout leur cœur. Mais moi, je crois aux choses réelles. Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. C'est ce que je dis quand je dis j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines, etc. Moi, j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France, puis j'aime mieux l'Europe, et puis j'aime mieux l'Occident, et puis j'aime mieux le monde libre, et puis j'aime mieux sans doute la Terre et les terriens que ce qui pourrait nous venir un jour d'au-delà des galaxies. Et le bien de cette communauté, on appelle le bien commun politique, donc c'est le bien commun de la France, est au-dessus du bien individuel de n'importe qui dans le monde. Donc vous ne pouvez pas mettre en péril le bien de votre vrai prochain et le bien de la nation pour sauver un éventuel individu. Donc c'est la condition pour qu'il y ait un jour éventuellement une immigration, il faut qu'elle n'atteigne en rien le bien commun. Si elle peut l'atteindre de quelque façon, alors il faut exclure l'hypothèse d'une immigration. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que cette immigration, elle détruit le bien commun. Les gens se font poignarder dans la rue, on n'ose plus sortir dans des villes comme Marseille, comme Paris. On tue en fait notre prochain pour faire venir ces gens-là. Donc selon les principes catholiques, il a tort, ce Marc, excusez-moi, il dit n'importe quoi. C'est au contraire catholique de refuser ces gens-là, au point où on en est aujourd'hui. Selon la parole des évêques conciliaires du Nord, là, parce que je pense que c'est un peu l'effet Rausländer-Raus, hein. Ils sont un petit peu excités, alors ils font tous barrage à l'extrême droite à fond, là, en Europe centrale. C'est non, ce n'est pas chrétien d'avoir un message anti-immigration, un peu pour répondre à Belloc qui disait, voilà, lors des messes le dimanche, l'appel au vote, ça ne doit pas être du lourd dans les diocèses officiels, hein, on va dire ça comme ça. Donc ouais, ça se confirme carrément. Il y a une hiérarchie entre guillemets ecclésiastique, voilà, avec toutes les guillemets nécessaires, qui elle reste, voilà, très très régimiste, conserve les prébendes, sont de mèche avec l'actualité, en fait, quoi. Cette société leur convient. En même temps, il y a un bon petit taux de pédomanie, d'invertis et autres. Donc ouais, ça contribue à pourrir la situation, ça. Alors, je vais lire un très court extrait, justement, pour appuyer ce que vient de dire Rex. Comme ça, on ne dira pas Rémus, c'est des complotistes. La conférence des évêques de France avant les européennes, donc c'est exprès pour dire que l'extrême droite, c'était pas gentil, etc., fallait bien voter. Ils ont écrit un petit communiqué, je vous lis un court extrait. Nous n'avons pas le droit, donc les modernistes, hein, sûr, hein, nous n'avons pas le droit de construire notre Europe comme un ensemble d'États repliés sur leur identité, soucieux de leurs intérêts, alors que tant de fils de l'Amérique et de l'Océanie et de l'Afrique se sont battus pour que ne vivions pas sous le joug de l'idéologie, celle de la race ou celle de la collectivisation. Ils ont rajouté aussi, nous, Européens, plus que tous les autres peuples de la Terre, avons une dette à l'égard du monde entier. Alors, pourquoi? Je n'en sais pas. Voilà. Je crois qu'ils avaient dit ça à l'occasion de la fête du débarquement américain en Normandie, etc. Donc, heureusement qu'on ne parle pas allemand. Hein. Bon, on parlera un peu arabe, mais heureusement qu'on ne parle pas allemand. On parle Wolof, là, dis donc. Et ouais, en fait, d'ailleurs, la phrase est amusante parce qu'il met de part et d'autre le communisme et le nazisme, en fait, en disant ni la race ni la collectivisation. C'est intéressant. C'est exactement le délire mytho après-guerre où l'Église aurait condamné exactement au même niveau, sous prétexte que les encycliques sont à peu près sorties en même temps avec Divini Redemptoris, nazisme ou national-socialisme allemand et communisme soviétique et tout ça. Or, ça n'a rien à voir. L'un est intrinsèquement pervers, tandis que l'autre, il y a eu des vives inquiétudes liées au régime, et c'est uniquement ça. Et là, elle est intéressante, cette sortie de ces clairs, voilà, faux clairs, là. c'est qu'il dénonce un espèce de repli identitaire qui est exactement celui de George Soros, de Davos, de Klaus Schwab et tout ça. Vous savez que Klaus Schwab, il disait textuellement, hein, quand l'enracinement identitaire se mêle en plus d'une foi religieuse, traditionnelle, etc., c'est ce qui le faisait le plus flipper. Il écrivait textuellement là, pendant le délire Covid. Là, il avait sorti deux ouvrages, j'ai oublié les titres. Mais c'est en fait, ils ont la même inquiétude. Eux, ils sont responsabilité écologique, voilà, c'est le seul sujet. Ils font attention à Yggdrasil, dieu du climat, comme les païens, plus qu'au Christ d'ailleurs. C'est intéressant. Moi, je rebondis sur la phrase « Nous, Européens, plus que les autres peuples de la Terre, nous avons une dette à l'égard du monde entier ». Je pense que nous, les Européens, nous avons un devoir à l'égard du monde entier, qui est d'être les garants du bien commun mondial. Je suis pour la colonisation, que les peuples européens colonisent les peuples chaotiques comme en Afrique, pour la raison suivante, c'est que ces gens-là ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Ils ne savent pas s'organiser, s'administrer. Par paresse, ils ne cultivent pas bien leurs terres. Donc, par luxure, ils ne sont pas capables de pratiquer la continence. Et donc, ils se démultiplient. Si bien que si vous regardez la démographie actuelle de l'Afrique, nous allons vers un véritable cataclysme. C'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Ces gens-là, ensuite, débordent sur le monde entier et projettent leurs problèmes sur tout le monde. Ce qu'ils ont simplement démontré, c'est qu'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Ils sont des agents de chaos, malheureusement. Et donc ils ont besoin, c'est un petit peu comme le rapport homme-femme, c'est le devoir en fait de l'homme de mettre de l'ordre dans sa maison, cuisine, de ne pas attendre que la femme le fasse. C'est la même chose dans la nation. Je pense que d'eux-mêmes, il y a une analogie. Au niveau des peuples, l'homme blanc est celui qui est capable de civiliser et de maintenir la civilisation. Et pour ça, si certains peuples le mettent en péril, et ensuite, par l'immigration, le menacent partout, c'est notre devoir. C'est même pas que c'est mal, c'est que c'est un devoir, à mes yeux, de prendre en charge cette chose-là. Et malheureusement, on s'est vautré dans l'individualisme et le consumérisme depuis 80 ans. On n'a plus envie de s'occuper, en fait l'homme blanc il ne veut plus s'occuper de rien, il ne veut plus s'occuper de sa famille, de sa nation, il dit allez soyez tous libres, mais au final c'est un moyen de tout détruire en fait. De toute façon si les occidentaux ils vont s'occuper par exemple des autres pays, on va dire ah mais de quoi vous vous mêlez, c'est de l'ingérence etc. Et si jamais les occidentaux décident de ne pas s'occuper des autres pays, ah mais vous les laissez mourir de faim, vous êtes responsables, en fait dans tous les cas on aura tort. Donc ouais, pourquoi pas, assumons de toute façon. Je me souviens d'une phrase qu'avait dit un ancien ponte d'EDP sur les ondes il y a très très longtemps. L'impérialisme, en fait, c'est comme la pluie. Les gens qui sont contre, mais la pluie va quand même tomber. Donc moi, je suis effectivement, je suis pas opposé à l'impérialisme. C'est nous, c'est un autre, en fait. Hein. Et les Chinois, par exemple, ils ont pas attendu. Hein. Les Chinois, ils ont mis la main sur l'Afrique, hein, puis une main de fer, et ils en tirent bénéfice. Et voilà, je pense qu'on aurait tort de ne pas faire la même chose. Hein. Bah, c'est dit, les Chinois, ils sont quand même obligés d'envoyer les leurs pour travailler à la place des Noirs. Pour la Chine et pour les intérêts chinois. Ça ne se transforme pas en quelque chose qui est une immigration africaine vers la Chine. D'ailleurs, les rares Africains qui sont en Chine, ils rasent les murs. Hein. Puis il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, mais bon, mais s'ils font ça juste pour les intérêts chinois, c'est pas non plus idéal. Quoi. L'idée, c'est que ces gens-là ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. C'est tout. Et ça crée des problèmes pour tout le monde. Donc, ça veut pas dire qu'il faut les exploiter comme font les Chinois. C'est pas ça que je dis. Moi, je le dis. D'ailleurs, sur le principe d'impérialisme, bon, vous avez toujours des Jean Royco Gallican qui vont vous sortir que oui, non, préférence nationale et tout ça. Mais dans l'histoire médiévale, on forçait de constater que malgré les conflits avec le Saint-Empire, la préférence de l'Église allait plutôt au Saint-Empire romain germanique en réalité. Et le principe d'empire n'est pas condamné dans le catholicisme, bien au contraire. Autrement, il n'y aurait pas eu l'empire des conquistadors espagnols, par exemple, entre autres choses. Même s'il y a eu des excès, d'ailleurs, l'Église faisait attention à ça, mais elle n'annulait pas le fait de construire un empire dans le temps. Il y a toujours eu un empire, en fait, dans toute l'histoire, tout le temps. L'Empire romain, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ça fait partie de l'ordre des choses, s'il y a toujours eu un empire. Il y aura toujours un dernier, il y aura toujours un numéro un. Ça ne changera pas. Hein. avant, maintenant et demain. Faire en sorte que ce soit nous. Quoi. Autant qu'ils travaillent pour le bien. Quoi. Je reviens un petit peu dans le thème donc, catholique vote à l'extrême droite. Donc on disait qu'il y avait le problème de l'esprit bourgeois, un petit peu la fausse modération. Je renvoie à quelques petites lectures là-dessus. Vous avez Georges Bernanos qui dénonce la grande peur des bien-pensants, Abel Bonnard, les modérés, ou encore il y a la peur des mots de Jacques Poincaré-Dassac, par exemple. Donc ça peut être bien intéressant. Et puis je parlais de récupérer un petit peu ces cathos pratiquants, très certainement conciliaires en majorité, qui basculaient, même si ça a l'air progressif, et il y avait quand même des raisons de principe. Voilà, ça se mélange un petit peu quand même. Il y a un petit peu plus que de l'individualisme, sans doute, parce que voilà, ce sont quand même des cathos blancs qui pratiquent un petit peu de remise en question. On parlait du mariage gay tout à l'heure. Bah, en effet, la Manif pour tous était contre au moment où la loi allait passer. Elle est toujours contre, mais c'est le sujet prioritaire. Maintenant, ça va être beaucoup l'avortement et l'euthanasie. Il faut arriver à les former, des fois, avec des petites infos. Typiquement, je pense pas, ils vont pas faire remonter le mal assez haut. Donc un petit point, ça peut être de leur dire, mais vous savez que Charles de Gaulle s'est allié avec tous les anti-Vichy, si bien qu'il s'est allié en fait avec communistes, francs-maçons, juifs, qui après-guerre en fait sont revenus au pouvoir. Et dans la Ve République, c'est dans la Constitution qu'il rétablit la laïcité. Même il y a un discours de Charles de Gaulle au Parlement qui dit, j'ai rendu la République à la France, il n'y a aucune raison pour que je ne rende pas à la France ces francs-maçons, quoi, littéralement. Donc ces petites choses-là, il faut peut-être leur balancer. S'ils ont l'esprit assez ouvert, pour ceux qui sont cathotradis, c'est peut-être plus simple. Et même ceux qui sont cathotradis, ils vont peut-être aimer Pétain, par exemple, et Franco. Et bien, ces gars-là, il faut leur dire, ah, mais est-ce que vous savez que sans Adolf Hitler, il n'y aurait pas de Franco, puisque Franco était au Maroc espagnol. Il ne pouvait pas se rendre dans l'immédiateté de la guerre civile dans sa patrie d'origine, bien qu'il soit de Galicie, donc un petit peu portugais. L'allié italien ne pouvant pas l'aider, il a réussi à obtenir un contact secret de l'État allemand d'alors, qui était d'ailleurs hispanophile, hispanophone. Et carrément, Hitler lui a offert le double de ce qu'il demandait. Donc au lieu de 10 avions, il y en a 20, les armes pareilles, etc. Et c'est comme ça qu'il a pu déferler sur l'Espagne. Et même prendre le pouvoir. Donc sans ce soutien allemand direct de Adolf Hitler, le très cultivé, qui est, en plus s'est dit, Franco lui dit l'Espagne a toujours respecté ses engagements, et lui il y répond par la voix de son intermédiaire, c'est vrai que les deux grandes puissances que sont l'Espagne et l'Allemagne ne se sont jamais fait, la grande Allemagne avec l'Autriche pourquoi pas, ne se sont jamais fait la guerre entre elles dans l'histoire. Donc c'était intéressant de constater. Et ces petits trucs-là, il faut leur envoyer comme des pics. Même Mitbrennender-Zorge, par exemple, n'était plus en chair, était connu de toute l'Église, lu partout, dans tout l'Occident et plus. Et pas en Espagne, pourquoi ? Parce qu'il y avait le danger bolchevique et que tu étais à deux doigts de te faire flinguer, donc c'était même pas un sujet, quoi. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviques, ici. Voilà, ces choses-là, il faut un petit peu revenir un peu à ces fondements, de peut-être balancer De Gaulle sur son républicanisme et sa laïcité, de voir que ses principes sont anti-catholiques. Voilà, là vous ciblez un gros truc qui fait une telle remise en question qu'en effet, dans l'offre politique, pour l'instant, il n'y a pas. Mais ce que j'ajouterais sur le côté anti-catholique de ce qui est proposé, c'est qu'il y a une certaine haine qui est catholique. Je vais citer Saint Thomas, il nous dit qu'on doit toujours aimer le prochain en tant qu'il est capable de Dieu, l'amour de la mort de charité, il est tout, jusqu'à ce qu'il meure, il a une nature humaine, et en tant qu'il possède cette chose-là, on doit l'aimer comme capable de Dieu. Mais en tant qu'il est pécheur, on doit le haïr. Si bien qu'il parle même d'une haine parfaite qui relève de la charité. Haine parfaite qui relève de la charité. On peut parler de sainte colère aussi. Oui, on peut parler. Et donc, du point de vue du bien commun politique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit aimer tout le monde en tant qu'ils sont hommes, en tant qu'on doit avoir un amour de la nature humaine et un amour de charité, mais en tant qu'ils sont pécheurs ou en tant qu'ils sont des menaces pour le bien commun, on doit les haïr. Donc il y a une certaine haine de ces envahisseurs qui est légitime. Alors la difficulté, c'est de la concilier. Voilà, il y a aussi un amour qui doit être présent, mais sous un certain aspect, il faut les haïr en tant qu'ils menacent notre nation ou en tant qu'ils menacent l'intégrité de la foi, bon, qui est déjà très compromise. Mais quand vous faites venir des hérétiques ou des musulmans, vous menacez directement Dieu dans l'âme des gens. Donc. Vos femmes, ce sont vos filles, ce sont vos enfants qui seront kidnappés, emprisonnés dans des quartiers, les fameux quartiers réservés comme il y en a à Casablanca, à Meknès et partout ailleurs, et vous n'oserez plus aller les rechercher. parce qu'ils auront fait des médinas et puis des mosques telles que même les gendarmes n'oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Monseigneur? Ah ben, demander au gouvernement d'arrêter cet islam, faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Qu'ils restent chez eux. Et si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, allez voir ce que ça va faire avec des mosquées. Quand un chef dira « tuez les chrétiens », quand il tue un chrétien, il sauve leur âme et il sauve l'âme de celui qu'il tue. Pourquoi s'en priver? Parce qu'on est catholique, qu'il faut cet amour. Ça n'a plus aucun sens en fait dans leur bouche. Mais voilà, il faut le rappeler. Et ça va si loin, d'après saint Thomas, il dit qu'on doit conserver l'amitié à tout le monde dans la mesure où les gens sont encore amendables. Si bien que si vous avez affaire à quelqu'un qui est plongé dans une extrême malice et qui est inguérissable, alors la loi divine et la loi humaine prescrit leur mort. Pour le bien commun et pour leur bien propre. L'amour du prochain, des fois, il inclut de le mettre à mort s'il faut. Donc, faut se rappeler ces choses-là. C'est des rappels nécessaires, hein, tu fais bien. Et je suis obligé de rajouter d'ailleurs que si jamais c'est une vision qui vous dérange, qui vous met un petit peu mal à l'aise, eh ben, rassurez-vous, j'ai la solution. La solution, c'est la remigration. Comme ça, du coup, il n'y aura plus de sainte colère nécessaire. Les gens, ils seront dans leur pays d'origine et tout se passera bien, quoi. Et on n'aura pas de raison comme ça nécessaire de dire, tiens, le Camerounais qui est au Cameroun, je vais le détester juste parce que qu'il respire. Ah non, c'est débile. Non. Ah non, le Camerounais au Cameroun, très bien. Aucun problème, quoi. Le Camerounais au Cameroun, et puis le Français, il sera en France, et il n'y aura plus besoin de sainte colère. Et voilà. C'est la seule solution, et en même temps, la meilleure solution. Donc, je peux pas mettre de la proposer. C'est la solution Sainte-Jeanne d'Arc, d'ailleurs. On aime d'abord les siens, et puis les autres, on les aime chez eux, quoi. L'anglais, je l'aime chez lui, voilà. C'est magnifique, c'est merveilleux. Les seuls à proposer une politique sérieuse à ce niveau-là, c'est nos chers amis allemands de l'AFD. Reconquête fait la proposition de la remigration. Pourtant, c'est pas un parti que je porte spécialement dans mon cœur, hein, je vais pas faire l'hypocrite devant vous, mais je suis obligé de... Remigration en Israël aussi. pas des juifs séfarades, à mon avis. Mais ils n'ont pas précisé où, voilà, ils n'ont pas précisé quel pays, mais bon. Les deux Gaulle du Bled, préciser, quand même. Les deux Gaulle du Bled sont acceptés. Par honnêteté intellectuelle, je voulais quand même préciser ceci, ce qui n'est pas dans leur programme du Rassemblement National. Donc eux, ils veulent garder les Mamadou, parce que les Mamadou, eh ben, ils portent des lunettes. Alors ils portent des lunettes, c'est qu'ils sont français. Et voilà, ils sont intégrés, ils portent des lunettes, et ils portent les courses, donc des petites dames, et puis ils payent des impôts. Donc bah, c'est bon, on peut prendre notre patrimoine génétique et puis le jeter à la poubelle, puisqu'ils portent des lunettes. N'empêche, pour ce qui est de la participation aux élections à la démocratie, c'est vrai que c'est une vraie question, parce que a priori, avec le 19e siècle tourmenté et tout ce qui a pu se passer, bah, il y a eu des enseignements magistériels. C'est vrai qu'a priori, il n'est quand même pas possible de voter pour un programme qui va à l'encontre de la foi et des mœurs catholiques dans l'absolu. Si bien que, bon, là, ils vont tous à son encontre, quoi. Il n'y a pas un qui va vraiment... Il y a pas le respect du moindre mal aussi. Enfin, bon, après, il ne faut pas rentrer dans la casuistique non plus, mais bon, là... Ouais. Bah, le moindre mal, on défend le mal aussi. Donc, il faut plutôt dire... ça n'existe pas un moindre bien, mais bon... Bon, moi, je ne voterai pas, mais après, je ne sais pas pour les autres. Qu'est-ce que tu as voté pour le Parti communiste aux dernières élections européennes, comme l'ont demandé les évêques, là comment ça s'est passé? Ah non, pas tellement. Bah, en tout cas, eux, les communistes et tout ce qui est la gauche, bien rouge, bourgeoise, etc., eux, ils sont très, très excités en ce moment avec ces histoires d'élections. Eux, ils sont en névrose totale dans les rues. Et eux, pour eux, c'est le retour du Quatrième Reich, quoi. Bon, moi, je vois pas le mal, hein, mais bon. Non. Le Quatrième Reich est un rêve voué à l'échec. Tout le monde a essayé, ça ne marche pas. J'ai dépassé ce stade. J'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Oh. Un monde plus injuste. Un monde plus intolérant. Plus inamical. Un monde où il y aurait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie. Ce monde. Mon monde. C'est le cinquième Reich. Quelque chose d'intéressant, c'est que je sais qu'à Lyon, à Angers, les antifas ont démoli des associations, des locaux d'associations catholiques tout à fait pacifiques, qui ne faisaient pas de politique. Donc pour eux, en fait, dans leur tête, gauchiste, ils assimilent catholique quand même un facho. Donc quelque part, bon, il y a une forme de courage, mine de rien, de tous ces catholiques, même conciliaires, à voter à ce qu'ils disent de l'extrême droite. Parce qu'ils seront quand même, comme vous l'avez bien dit, assimilés quand même à des fachos. Mais eux, en face, les communistes, ils sont quand même assez remontés, quoi, en ce moment. Ils ont un peu peur, ils font leur nouveau front populaire. Je pense que, si tu veux, le fait qu'ils s'attaquent à des gens vraiment innocents, comme ça, ce qui a toujours été le cas, hein. Et je pense que ça va faire que des gens vont se sentir en insécurité, et puis ils se grillent, en fait. Ils se grillent parce qu'au niveau médiatique, même s'ils sont défendus par la magistrature, voilà, même par la police, médiatiquement, en fait, ils vont même aller de plus en plus vers l'extrême droite par réflexe, vraiment, je veux dire, anti-gauchiste, anti-rouge. Quelque part, oui, comme tu dis, il y a une polarisation intéressante de la vie politique en ce moment. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'antifa, en fait, c'est lui qui va remettre l'extrême droite au milieu du village, en fait. Parce que même aujourd'hui, l'extrême droite ne sait plus ce qu'est l'extrême droite. Et il n'y a que l'antifa qui, lui, voit vraiment, entre guillemets, ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire voilà, l'affirmation de hiérarchie, l'affirmation de Dieu. En plus, voilà, ils nous combattent, donc ils nous épurent de ce point de vue-là. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils pourraient jouer un rôle positif. Bah, ils sont tendus déjà, parce que le RN dans les sondages explose les résultats. Et d'ailleurs, je remarquerais que c'est un petit peu comme la météo, où on aime bien se moquer de ça, des prévisions, en disant « Ah, ils se trompent toujours ». En fait, ils disent « Bon, au moins dans 90% des cas ». Et pour les sondages, c'est pareil, voire encore plus précis. Si bien que c'est évident que pour les européennes, ils allaient exploser les résultats, et que même là, ils vont l'exploser. Comme a dit Bobby, on parle avant même le premier tour, l'émission sera mise en ligne peut-être entre les deux tours ou quelque chose comme ça, ou peut-être juste après. Mais si bien que, bon, on sait qu'ils vont exploser les résultats, c'est évident. Maintenant, la grosse différence, c'est qu'il y a moins d'abstention aux législatives qu'aux européennes, et que là, il n'y a pas qu'un seul tour, mais deux. Donc il y a toujours le barrage à l'extrême droite 2002 et le fantôme, le spectre qui veille. Est-ce que la capacité de résistance du Français d'aller jusqu'au bout, ou quand il faut être mal, entre guillemets, au premier tour, il va voter le même au second. Il y a toutes ces questions qui se posent, et probablement auront une majorité relative, mais pas absolue. Donc il y a toujours le thème du « est-ce qu'il sera Premier ministre ?» et on est en plein là-dedans, et en effet, comme dit Belloc, Elzinko et nous tous, finalement, il y a un gros côté bazar en perspective, parce que le macronisme pur ne perdure pas, et qu'en plus, derrière, il y a la gauche qui menace de descendre dans la rue toutes les semaines s'il le faut, quoi. Et cette gauche est visiblement un peu plus unie que la droite, la gauche parlementaire, j'entends, avec cette espèce de constitution de nouveau front, où même Jean-Luc Mélenchon a été plus ou moins réhabilité, même, alors que c'était le soutien au Hamas et au Hezbollah il y a deux secondes avant. Donc c'est intéressant, là où la droite, bon, Zemmour fait plus bande à part, et Ciotti a essayé de rejoindre, mais on l'a fait comprendre que c'était pas trop l'idée, quoi. Ah, il n'a pas pu aller jusqu'au bout ? Si, mais il est un peu tout seul, quoi. Oui, mais c'est lui le... C'est encore le patron, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Dans la gauche, dans les candidats qu'ils présentent, notamment, ils ont présenté Raphaël Arnaud, tu sais, l'antifa numéro 1, là, voilà, je veux le traiter d'ordure, hein, parce que c'est une véritable ordure, et je m'en prive pas. Et ce type a été présenté à Lyon comme député, enfin, comme candidat, et ce type, il est quand même triple fichier S, quoi. Alors, je crois qu'il n'était pas parachuté dans l'Ardèche, là. Il ne s'était pas présenté à Lyon, mais peu importe. Ah oui, c'était ça. Il n'était pas parachuté ailleurs, parce qu'il était, son fief, c'était à Lyon. Et, mais en fait, il y a quand même une radicalisation, pardon, et quand même de ce front de gauche. Ils mettent de l'antifa dégueu en tant que député. Déjà, on avait Louis Boyard, le vendeur de drogue de Rennes, là, à LFI. Là, ça se radicalise un petit peu. Là, on est vraiment dans la gauche clocharde. C'est vrai, en fait, on a changé de paradigme, en fait, on est passé, quelque part, il ressemble de plus en plus à des démons, en fait. Regardez sa tête à lui. Hein, ah oui, il ressemble clairement à... Bah, il est coiffé en iroquois, rasé sur les côtés, avec des tatouages hideux partout, ça va être un député, quoi. Il a un regard terrible, et puis il a été accusé de frapper des vieux ou des gens faibles, tout ça, enfin, et personne, tu vois, ne dit rien, quoi, enfin, ça ne choque strictement personne. Je pense qu'il est fâché avec l'hygiène aussi, hein, ça se voit, oh là là. avez, premier degré, voté à 34% pour le RN, putain. Le RN, ça a toujours été le FN, le Front National. Un parti de gros, gros, gros racistes. De gens qui sèment la terreur et qui incitent à la haine. Ça fait des décennies qu'on se bat contre eux. Et là, vous tombez dedans. Vous détestez tellement les gens, vous êtes vraiment horrible. C'est pas ma France, je suis désolée, c'est vraiment pas ma France. On se retrouve avec un parti mais rempli de gens racistes, xénophobes, LGBT-phobes qui détestent tout le monde sauf les riches blancs. Moi personnellement, en tant que femme, je me sens plus du tout en sécurité dans mon pays, mais non plus en tant que personne musulmane ou en tant que personne LGBT, parce que je suis musulmane et LGBT. Ça me fait penser à un mème que j'ai vu, je crois que c'est Bobby d'ailleurs qui l'a envoyé il y a pas longtemps. En fait, tu vois d'un côté un mec qui dit, qui adoube Satan, en fait, qui dit vive Satan, etc. Et à côté, il y a un autre qui dit, Heil Hitler, quoi. Il dit, comment tu oses dire Heil Hitler avec tout ce qu'il a fait, etc. Alors que de l'autre côté, ils adoubent le seigneur de l'enfer, quoi. C'est un peu à ça qu'on est en train d'assister. Puis, par contre, la Paris qui sort toujours du lot, avec les grandes villes, peut-être en général, très cantonné sur son Glucksmann et son Macron aussi. Hein. C'est un peu flippant, là, c'est l'inverse. C'est la dynamique inverse où c'est eux qui arrivent en premier dans les intentions de vote et vote concret, quoi, puisque ça va souvent ensemble, comme je l'expliquais un peu précédemment. Mais en tout cas, à moyen long terme, ça sent le bazar. Et comme c'est impossible en plus de gouverner contre un peuple, et c'est ce que fait le régime depuis des décennies, on voit qu'à moyen long terme, systématiquement les racines du pays entre le blanc, le chrétien, que là même des espèces de catho-conciliaires bourgeois finalement en reviennent, quoi. Ils se disent, ah ouais, mais quand même entrer dans la constitution l'avortement, ça va un petit peu long et tout. Donc en fait, tu vois, le mépris, ça peut ne pas aller, il y a des petites limites, quoi. Donc le régime devrait faire un petit peu attention, d'autant que historiquement les instabilités géopolitiques, c'est aussi un gros thème dangereux, puisque les républiques crèvent parfois de ces tensions-là, soit internes, soit externes. Bon, la première république, elle a duré même pas 2 ans. La troisième, qui a été très longue, est morte de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Tandis que la quatrième est morte de la guerre d'Algérie. Donc là, de faire le va-t-en-guerre avec Ukraine-Russie, c'est peut-être pas une excellente idée, en sachant que ça chauffe à la maison et que en dehors, des fois, quand il y a un choc, ça peut même autodétruire un type de régime. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de régime. Ça va se réorganiser, mais comment ? Là, c'est la grande question. Ça va être compliqué de vouloir absolument faire la guerre contre un pays qui tient la bombe atomique contre la Russie quand tu n'arrives pas à tenir la Seine-Saint-Denis, quoi. Et que tu n'arrives pas à nettoyer la Seine pour les JO aussi. 1,3 milliard pour nettoyer la Seine. Non, toujours pas. Ça reste toujours... D'ailleurs, on mettrait une petite pause musicale sur cette belle ville de Paris qu'on aime beaucoup, et on espère que ça vous fera plaisir. Bobby, je voulais faire une déclaration à nos auditeurs. Alors, d'abord, coming out ? Quoi ? Ouais, c'est ça, c'est un sort de coming out. Comme Lazare. Non, je voulais leur expliquer une de nos problématiques, qui est que nous parlons en fait en public, sur Internet, et donc nous sommes exposés à certains péchés en particulier. Donc je voulais leur demander de prier tout simplement, pour qu'on ne mésuse pas de cette chose-là. Parce qu'il faut craindre Dieu, il faut craindre l'enfer, et il y a des gens qui vont là-bas pour des commérages, pour des choses comme ça. Donc il faut... Voilà. Et à ce compte-là, je voulais préciser quelque chose, parce qu'on a fait des émissions, on est obligé d'attaquer un petit peu des adversaires ou des choses comme ça, ça fait partie du jeu. Mais on se laisse parfois peut-être emporter, et puis il y a cette... Les gens aiment bien le clash, donc ça peut parfois aller au-delà de ce qu'on voulait dire. Donc on a attaqué en particulier Pierre Hillard. On ne comprend pas vraiment ce qu'il a contre le fascisme. On n'est pas d'accord avec ses arguments. On lui a même donné des réponses auxquelles il n'a pas répondu. Et au point de vue des idées, moi j'ai attaqué personnellement les idées selon lesquelles l'Allemagne serait le mal absolu. Je ne suis pas d'accord. Selon aussi l'idée selon laquelle le légitimisme serait la solution. Mais j'avais, par ironie, entre guillemets, laissé sous-entendre que la seule chose concrète dans tout ça, c'était le prix du bouquin. Ça, je le retire, parce que bon, c'est à lui de voir. C'est entre lui et Dieu. J'espère qu'il ne fait pas les choses pour ça, mais bon, moi, j'en sais rien, donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus, même par suggestion. Donc voilà, ça, je le retire. Mais par contre, au niveau des idées, voilà, j'attends toujours qu'il nous donne des réponses argumentées, s'il le souhaite, s'il en est capable. Il peut toujours attendre, je crois. Et pendant que j'y suis, je tiens à confesser et à retirer deux autres de mes jugements calomnieux à propos de Thaïs d'Escuffon. Donc j'avais exagéré en disant que ses activités s'assimilaient presque à de la prostitution. J'avais aussi suggéré qu'elle ouvrirait un compte OnlyFans placé en d'autres circonstances, que, à vrai dire, je n'en ai aucune idée, je ne peux pas le savoir. Donc voilà. Je maintiens par contre que ses activités sont répréhensibles et dangereuses, surtout du point de vue du fait qu'elle encourage les jeunes hommes à la fornication pour plaire aux femmes, entre guillemets. Donc je l'invite à s'en repentir et à apprendre aussi la crainte de Dieu. Puis en attendant, agissons chacun à notre échelle et voilà, prions pour l'émergence d'un mouvement unitaire et radical en France et chez nos voisins européens. Très bien messieurs, on va toujours rester sur cette histoire modernisme et puis tradition, avec un sujet pour le coup qui concerne directement la tradition. Avec le drama, on va parler de ça, le drama de Monseigneur Vigano, qui était convoqué par le Vatican, qui était accusé de schisme. Donc le dicaster pour la doctrine de la foi, le DDF du Vatican, a lancé un procès pénal extrajudiciaire contre l'archevêque Carlo Maria Vigano, l'évêque italien, accusant le prélat de crime de schisme. Donc, je vais vous la faire courte, mais on va largement commenter ce qui s'est passé, en tout cas dans les grandes lignes. Donc, convocation de Monseigneur Vigano. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Monseigneur Vigano ne s'est pas rendu à son procès. Il a fait un petit communiqué pour dire, je vais citer un petit court passage, « Je n'ai pas l'intention de me soumettre à un simulacre de procès dans lequel ceux qui sont censés me juger impartialement pour défendre l'orthodoxie catholique sont en même temps ceux que j'accuse d'hérésie, de trahison et d'abus de pouvoir. » Donc, vous avez vu, c'est assez corsé. Drama se poursuit puisque la fraternité sacerdotale Saint-Pilice se désolidarise de Monseigneur Vigano, puisqu'il dit, bah, attendez, Monseigneur Vigano, dans son communiqué que j'ai pas lu en entier, se réclame de Monseigneur Lefebvre, alors qu'apparemment Monseigneur Vigano serait, selon la fraternité, cédévacantiste, contrairement à Monseigneur Lefebvre. Donc voilà, vous avez le pitch, le global. Le drama se poursuit avec Monseigneur Vigano qui accuse le pape François, qui d'ailleurs n'appelle pas pape François, il l'appelle par son nom à l'état civil, Jorge Mario Bergoglio, il l'accuse d'être un hérétique et d'un schismatique. Il dit ceci d'ailleurs, « Devant mes frères, dans l'épiscopat et devant tout le corps ecclésial, j'accuse Jorge Mario Bergoglio d'hérésie et de schisme, et je demande qu'il soit jugé comme hérétique et schismatique, et qu'il soit démis du trône qu'il a indignement occupé pendant plus de 11 ans. » Voilà pour les différents dramas. Il y a plein de sujets à aborder, je vous laisse la parole à qui veut commencer, on rentrera dans les détails au fur et à mesure. Bah, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que ce n'est pas un guignol, Monseigneur Vigano, pour ceux qui le connaissent pas. Il est, alors, d'abord, c'est quelqu'un qui descend d'une famille très opulente d'Italie, des industriels de l'acier. Il a occupé des fonctions éminentes au Vatican avant que ça tourne vinaigre dans les années de 2010. Donc il a été... bon, il était prêtre, après il a été sacré évêque par Carlo Wojtyla. Après, il a été nonce apostolique, donc c'est un peu nonce apostolique pour le Saint-Siège au Nigeria et aux États-Unis. C'est un peu diplomate, hein, en gros, pour le Vatican. Et aussi, il a fait partie du gouvernement. Enfin, il a été secrétaire général du gouvernorat du Vatican. Donc, c'est un petit peu. Voilà, c'est son accord était nécessaire pour toutes les décisions importantes du pouvoir exécutif du Vatican, donc c'est quelqu'un qui a été très important. Donc il est passé à la retraite en 2016 simplement à cause de son âge. En 2018, à cause d'une affaire de cardinal pédophile, donc il y avait eu un scandale à l'époque autour du cardinal Théodore McCarrick, donc qui avait été accusé d'abuser d'enfants et de séminaristes. Et quand Bergoglio était venu, il avait réhabilité. Donc ce Théodore McCarrick, il en avait même fait un conseiller de confiance, entre guillemets. Donc ça avait commencé là. Après, il a fait pas mal de déclarations dites complotistes durant le Covid, durant l'affaire de George Floyd aussi. Il avait écrit une lettre ouverte à Donald Trump où il dénonçait le Great Reset. Depuis, il a été reconsacré sous condition évêque par Williamson. Et on peut dire en France aussi qu'il soutient Civitas. Donc voilà, un petit peu quelques détails sur lui. En effet, ouais, il s'était fait reconnaître, notamment dans l'opposition Covid, lui aussi, comme il y a eu une bonne émergence de personnalité. Et on remarquera que l'actualité religieuse, notamment à travers cette émission et avec les sujets qu'on amène, est très riche. Ça prend de plus en plus de place, ce qui là est très positif, hein, il faut s'en féliciter. Même précédemment, on avait un petit peu parlé de l'augmentation du nombre de participants en pèlerinage de Pentecôte, les choses comme ça. Les différentes affaires même qu'on évoque, on en avait déjà parlé, puisque bon, il y a des affaires de sacre, mais on n'en a pas encore parlé, bref. Voilà, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne émulation de pensée. Je trouve qu'il y a même pas mal de controverses, de débats dans le milieu, des interventions d'Adrien Bozit ou autres. Bon, là, donc, il y a un jugement de Vigano par le Vatican qui se profilait le 20 juin, donc il ne s'y est pas rendu et il l'a affirmé comme vous en avez parlé précédemment. Voilà, moi je croyais qu'avec Vatican II et le modernisme, l'enfer n'existait pas et que par conséquent, même les excommuniés n'existaient pas. La peine de mort n'existe pas, enfin tout ça, faut plus le pratiquer. Mais là, on dirait qu'il y a quand même un petit crime de lèse-majesté qui a été fait. Je me souviens que même, il y a eu une petite excommunication de la part de Bergoglio, vous savez, d'un père qui avait pratiqué de la pédomanie. Et finalement, le mois d'après, il avait été rétabli, quoi. Alors, je ne sais plus son nom, Père Horowitz, Père Horwitz, bah, un nom du genre. Enfin bon, c'est comme quoi, ça, je ne savais pas encore que ça existait à Rome, mais visiblement, bon, ils ont un genre de dicaster pour la doctrine de la foi, qui est un petit peu anciennement le Soda Lithium Pianum. Donc là, c'est en gros, c'est ceux qui étaient chargés un peu de condamner les gens. Ouais, de condamner les gens comme eux, en fait, quoi. Ils n'existeraient pas s'il y avait encore le Soda Lithium Pianum, avec, je ne sais plus, à l'époque, c'était quand même des... Oui, des enfin, maintenant, ce n'est plus les mêmes personnes. Hein. On va voir ouais, qui ouais, l'a mis aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein. C'est plus Monseigneur Benigni et tout ça, ouais, qui avait soutenu les régimes James fascistes. Martin, ouais, il avait soutenu les régimes fascistes, Benigni, qui est la période la plus intéressante, presque pour des raisons politiques. C'est un petit peu comme Yves Chiron, là, quand il parle du Padre Pio... il y a tout sauf l'aspect pro-fasciste, quoi. C'est embêtant, ces historiens qui sont très, très cadrés. Il a bien flingué le marquis de la Franquerie. Mais dès qu'il y a un truc qui le déplaît, bon, ça n'existe plus, quoi. Il n'en parle pas. Bon, bref, c'est toute une mentalité. Mais en tout cas, voilà, là, je suis heureux de découvrir que finalement, on n'ira pas tous au paradis, contrairement à ce que dit Vatican II. Il y a quand même des méchants. Il y a des Vigano, il y a des Monseigneur Lefebvre, il y a des schismatiques, quoi. Ils vont pouvoir rejoindre Tonton. Les seuls schismatiques, c'est les catholiques, hein, parce que on a encore vu le 28 mai dernier Bergoglio qui a accueilli une délégation de moines bouddhistes à Rome, et dans la plus ancienne basilique Sainte-Marie-Majeure dédiée à la Vierge Marie. Donc ça date du 5e siècle. Hein, ouais, c'est une des plus vieilles avec le Latran. Voilà. Donc il les a accueillis dans la basilique. Et il s'est incliné devant leur bénédiction. Donc vous voyez la vidéo des moines dans leur chant démoniaque, bizarre, et lui qui est là, qui s'incline devant eux. Donc là, c'est même plus qu'on bénit le mal, comme la bénédiction des couples homosexuels et tout ça. C'est lui qui se fait bénir par les adorateurs du démon. Et quand on connaît la valeur, par exemple, si vous prenez, il y a un épisode... figuratif dans l'Ancien Testament, d'Abraham qui rencontre Melchizedek après la guerre des quatre rois babyloniens contre les cinq rois de la terre de Chanaan. Abraham, il va s'incliner devant la bénédiction de Melchizedek. Melchizedek, en fait, qui opère des sacrifices avec du pain et du vin, un sacrifice mystérieux qui représente déjà la messe de la Nouvelle Alliance. Et d'après les pères de l'Église, ça représente en fait la supériorité du sacerdoce chrétien sur le sacerdoce juif. Donc quand on s'incline devant la bénédiction de quelqu'un, en fait, ça veut dire qu'on reconnaît la supériorité de son sacerdoce. C'est pourquoi nous sommes vraiment stupéfaits quand nous pensons que l'on a fait bénir par l'archevêque de Cantorbéry, qui n'est ni prêtre, parce que les ordinations légales ne sont pas valides, le pape Léon XIII l'a déclaré officiellement et définitivement, parce qu'il est hérétique, comme le sont tous les anglicans. Je regrette, on aime plus ce nom-là, mais c'est quand même la réalité. Ce n'est pas pour lui donner une insulte, je ne demande que sa conversion. Mais, et puis, que, il n'est ni prêtre, il est hérétique, et on lui demande de bénir la foule des cardinaux et des évêques présents dans l'église de Saint-Paul, n'est-ce pas, avec le Saint-Père. Mais il me semble que c'est là une chose absolument inconcevable. Et donc Vigano, lui, par contre, il est hors de la communion. C'est pas pire que Jean-Paul de la Wojtyla, carrément, je me souviens, un Bouddha sur l'autel. Oui, la basilique s'était effondrée quelques années plus tard, tuant trois personnes. Mais c'était le hasard, sûrement. C'était pas du tout la colère de Dieu. Bah, tu l'as dit, les Zinco, après, ouais, ils sont accusés de schisme, mais en fait, ce sont les vrais catholiques qui sont accusés de schisme. Donc là, c'est plutôt les modernistes sont en schisme avec la doctrine catholique. Je crois que le problème est plutôt à prendre dans l'autre sens. Là, c'est... Ayant eu la même réaction, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de former des prêtres, de former de vrais prêtres dont l'Église a besoin. Ces prêtres, je les ai formés dans une société, Saint-Pidis, qui a été reconnue par l'Église. Et je ne faisais que ce que tous les évêques ont fait pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas fait autre chose. Et ce que j'ai fait pendant 30 années de ma vie sacerdotale, ce qui m'a valu d'être évêque, ce qui m'a valu d'être délégué apostolique en Afrique, ce qui m'a valu d'être membre de la commission centrale préconciliaire, ce qui m'a valu d'être assistant au trône pontifical, que pouvais-je désirer comme preuve que Rome estimait que mon travail était un travail qui était profitable à l'Église et au bien des âmes. Et voici que je fais la même chose. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années. Et voici que tout à coup, je suis suspendu à Divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je. Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à Divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais, à ce moment-là, enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles, à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. C'est comme les autres qui disaient les peuples blancs ont une dette envers les autres. Non, c'est, la dette est inversée dans la réalité concrète. Là, ben là ouais, c'est pareil. Les schismatiques ne sont pas là où ils sont accusés. C'est ceux qui pointent du doigt qui le sont. Il faut regarder le doigt et remonter un peu à la personne. Et voilà, comme au judo, là, on utilise sa force contre lui-même et on le balaye. Donc la division dans l'Église, puisque c'est un peu le thème, voilà, dans les articles, il ne parle que de ça. Alors déjà, où est le curseur Église? Parce que si les modernos le sont, en fait, c'est plutôt... ils provoquent un schisme et une division de l'unité des catholiques par leur enseignement qui est foireux, qui est faux, qui est bordé d'hérésie. On ne peut pas faire l'unité. Donc voilà, dans ses propres gens rangs, il y a des dégénérés, et même là, il ne fait pas l'unité. Donc c'est sans parler de tradis en dehors. Là où en fait, Mgr Vigano est intéressant, c'est un peu un radical lefévriste finalement, parce qu'il a des sorties qui peuvent paraître très sédévacantistes, un petit peu par conspirationnisme, vous savez. Voilà, quand il y a des francs-maçons, quand il y a ceci, bon, c'est la preuve que c'est pas le Saint-Siège. Il est un petit peu dans ces optiques-là, mais sans l'affirmer totalement. Où il dit que voilà, c'est le pape François n'est pas légitime, mais en même temps, il y a peut-être une barrière qu'il ne franchit pas, quoique là, dans ses appels, il a aussi appelé à la déposition de François. Je sais que Maxence Eckart a fait un document là-dessus, comme quoi c'est une thèse qui ne tient pas la route. D'ailleurs, il le fait... après l'abbé Georges de Nantes, qu'il avait proposé, lui, vraiment du temps de Paul VI, donc c'était peut-être encore plus crédible. Là, bon, on fait appel, on dit François n'est pas légitime, mais alors les cardinaux qui l'entourent, que lui a fait, qui sont comme lui dans l'immense majorité des cas et presque en tout, qui sont en tout cas valides et suivent Vatican II, parce que c'est clairement le cas, bon, leur demander de déposer le pape, qui en plus dans la doctrine catholique, c'est la plus haute autorité humaine sur Terre, destinée par Dieu, si bien que c'est pas un inférieur qui dépose le pape, la seule possibilité dans la doctrine catholique, c'est d'estimer plutôt qu'il se dépose lui-même par un enseignement qui ne colle pas avec son infaillibilité. Quoi. Là, on cible plutôt le vrai point, j'imagine. Le parallèle que tu fais avec Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Vigano le revendique lui-même. Il dit, il y a 50 ans, dans ce palais du Saint-Office, où il est convoqué, l'archevêque Marcel Lefebvre fut convoqué et accusé de schisme pour avoir rejeté Vatican II. Sa défense est la mienne. Ses paroles sont les miennes. Miens sont ses arguments devant lesquels les autorités romaines ne purent pas le condamner pour hérésie, devant attendre qu'il consacre des évêques pour avoir le prétexte de le déclarer schismatique et de révoquer son excommunication alors qu'il était déjà mort. Ouais, il enseigne la foi catholique, donc il ne pouvait pas le condamner sur un point comme ça. Il fallait vraiment qu'il agisse sans les mandats romains. Là, c'était beaucoup plus facile. Ah, vous voyez, vous avez commis un crime. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire là pour qu'est-ce qu'ils vont faire au Vatican pour Monseigneur Vigano? Est-ce qu'ils vont essayer de le coincer sur la doctrine? Mais selon quelle doctrine? Puisque les modernistes, ils font que évoluer à chaque fois. Ils disent un truc, le lendemain, ah non, mais c'est bon, maintenant, il faut évoluer, on se met à jour. Il n'y a plus de dogme, ou alors le dogme, il existe, il évolue, on ne sait plus. C'est de la bouillie intellectuelle, ça ne veut plus rien dire. Sur quelle base solide vont-ils se reposer pour dire ceci est vrai ou ceci est faux? Vu que ce sont des gens qui sont relativistes, ils sont toujours en train de mettre tout à jour. Donc ça n'a pas de sens. Il accuse de déni de légitimité. Donc il conserve quand même pour eux le principe du pape, entre guillemets, pour eux, c'est quelque chose de solide. Encore une fois, c'est la même réalité que vient d'avancer Rex. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur des éléments plutôt, on va dire, factuels. C'est-à-dire qu'il dit que Bergoglio n'est pas pape, ou alors Monseigneur Lefebvre fait concrètement des sacres de quatre évêques. Mais c'est-à-dire, sur le plan de la doctrine, ça va être compliqué de coincer quelqu'un si jamais toi, t'as pas de doctrine. Sur le plan de la discipline, oui, il faut les coincer. Enfin, si vraiment l'Église, c'est Bergoglio légitime et tout ça, sur le plan de la discipline, ça mérite l'excommunication de ne pas reconnaître sa légitimité, de pas le... dans ce cadre-là, c'est logique. On peut faire c'est associé à une certaine doctrine, c'est la doctrine du fait que l'Église catholique a une tête et qu'il a une juridiction universelle, et que voilà, il transgresserait cette chose-là. Donc ça fait sens. Mais sur le plan de la doctrine catholique, enfin, sur le reste de la doctrine, là par contre ils sont bloqués, et c'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est Monseigneur Vigano qui les accuse. C'est donc de cette manière que nous devons juger les choses, nous devons les juger par les faits. Comme l'a dit très bien notre Seigneur dans l'évangile que nous lisions il y a peu de temps encore, et à propos précisément de ces loups qui sont couverts de peau de brebis, il disait, nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits. Eh bien, les fruits sont devant nous. Les fruits nous sont évidents. Ils sont clairs devant nos yeux. Ces fruits, qu'ils viennent du Concile Vatican II et des réformes post-conciliaires, sont des fruits amers, des fruits qui détruisent l'Église. Et lorsqu'on me dit, mais ne touchez pas le concile, dites les réformes post-conciliaires, alors je réponds, comme le disent ceux qui font les réformes, ce n'est pas moi qui ai fait ces réformes. Ceux qui font ces réformes disent, nous les faisons au nom du concile. Nous avons fait la réforme liturgique au nom du concile. Nous avons fait la réforme des catéchismes au nom du concile. Nous avons fait toutes les réformes au nom du concile. Or, ce sont eux les autorités de l'Église. Ce sont eux qui interprètent par conséquent légitimement le Concile. Et là, je le cite, et il nous pointe du doigt une personne en particulier, un simulacre de procès dans lequel ceux qui sont censés me juger impartialement pour défendre l'orthodoxie catholique sont en même temps ceux que j'accuse d'hérésie, de trahison et d'abus de pouvoir, poursuit Carlo Vigano. Et parmi eux se trouvent précisément les jésuites. Donc il accuse les jésuites, les premiers promoteurs de toutes les déviations morales et doctrinales des 60 dernières années, à commencer par James Martin, l'activiste LGBTQ+, qui est un visiteur régulier de la maison Sainte-Marthe. Donc voilà, il nous pointe du doigt ce James Martin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça mérite effectivement d'y jeter un coup d'œil. Ce qui m'intrigue, c'est que le dicaster pour la doctrine de la foi, il est présidé par l'archevêque L'évêque Fernandez, qui est un grand ami de Bergoglio et qui est connu pour avoir écrit des ouvrages limite pornographiques, vous savez, sur le baiser, sur la sensualité et tout ça. C'est lui qui préside le dicaster pour la doctrine de la foi, qui est l'ancien Saint-Office. On a un autre cardinal qui, lui, veut transformer son diocèse dans la capitale italienne du mouvement catholique gay. Et on en a un autre, oui, c'est Bruno Forte, c'est ça, dont tu viens de parler ? Non, je parlais du cardinal Fernandez. J'ai dit qu'il était évêque, mais il est cardinal. C'est Victor Manuel Fernandez, un très bon ami de Bergoglio. Mais il est connu pour avoir écrit des ouvrages de très sensuels, des choses vraiment, vraiment immondes, quoi. Enfin, c'est Adrien Bozzi qui en avait bien parlé. Et c'est par ça qu'il est jugé, quoi. Il le sait très bien. Par ces personnes-là, pardon. Et il sait très bien, il dit lui-même qu'il ne va pas à son procès, puisque en fait... Si vous voulez, je me demande moi-même s'il va même pouvoir se défendre en fait face à ces gens, quoi. Donc, si ça va être rendu public, parce qu'en fait, s'il leur parle de la doctrine catholique ouvertement, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Ils vont même plus savoir ce que c'est, à limite. Hein. Non, mais ils sont perdus, hein, ils sont perdus. D'ailleurs, ces gens-là ne parlent pas généralement de doctrine catholique. Jamais de termes clairs pour dire je condamne sur la doctrine, etc. Mais c'est de la pastorale, Bobby, tu ne comprends pas. C'est ouais. De la pastorale. Mais, par contre, mais dès, voilà. Dès qu'il y a des tradis, là, par contre, ah là, par contre, attention, il tape jamais sur personne, voilà. Tu peux très bien être sataniste catholique, pas de problème. Tiens, tu monteras dans les échelons, tu seras évêque, cardinal, tu peux écrire des bouquins porno, être pro-LGBT, machin. Ça, c'est bon. Par contre, t'es un peu tradi, ouh, alors là, oh, là, on tape. Les démons ont le même comportement, je crois. Je crois qu'ils acceptent tout. Sauf les catholiques. Et puis une partouze pédomane, c'est pastoral aussi, visiblement. Ouais, c'est intéressant quand même de s'en rendre compte. On parlait un petit peu du radical lefévrisme. Bah, les sorties de Vigano sont presque similaires, en effet, à celles de Mgr Lefèvre. Là. Le 2 août 1976, à Écône, il avait quand même dit ça. Et c'est pas la seule. D'autre part, s'il nous apparaît certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreurs, nous avons beaucoup moins l'absolue certitude que le pape soit vraiment pape. L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité des élections sont des causes qui éventuellement peuvent faire qu'un pape ne l'ait jamais été ou ne le soit plus. C'est quand même intéressant. Et il dit à cette question, faudra y répondre un jour. Et Vigano, il continue un petit peu cet entre-deux de se dire, mais on dirait qu'il y a un gros souci de légitimité là. Et en plus, c'est visiblement beaucoup plus à partir de Vatican II que simplement François Bergoglio. Mais avec François Bergoglio, c'est tellement criant et c'est tellement violent, comment ça dégénère de plus en plus que bon, là, les gens se réveillent peut-être un peu plus. Bah, c'est peut-être là qu'il faut parler de la réaction de la Fraternité Saint-Pie-X. Parce que, en gros, il se réclame de l'héritage de Mgr Lefèvre. C'est vrai que Mgr Lefèvre, il a eu des déclarations à cette époque qui étaient à la limite du cédévacantisme, enfin, en tout cas, qui acceptaient ouvertement la possibilité du cédévacantisme. Voilà, on sait qu'il a dit des choses comme ça, Mgr Lefèvre. La Fraternité Saint-Pie-X a publié une réaction sur le procès pénal de Mgr Vigano. Simplement, c'est vraiment décevant. Ils font simplement que récapituler l'affaire sans vraiment apporter d'opinion, vraiment assez neutre, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça m'a fait, jusqu'à la phrase, vraiment, où là, ils disent que, voilà, sur ce point, c'est-à-dire sur le point du cédévacantisme, du vice de consentement de Bergoglio, invoqué par Mgr Vigano, ils disent « Sur ce point, ni Mgr Lefèvre, ni la fraternité qui l'a fondée n'ont accepté de s'aventurer. » Ouais, ils se désolidarisent alors que Mgr Lefèvre s'est quand même aventuré à certaines choses. Oui, on ne peut pas dire, on peut pas dire qu'il ne s'est pas aventuré. Par contre, je pense que la prochaine rencontre, ou avant la prochaine rencontre d'ailleurs, s'il me demande vraiment ce colloque, c'est moi qui leur poserai des questions. C'est moi qui les interrogerai. Oui, pour leur dire « Quelle église êtes-vous ?» À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Moi, je comprends pas vraiment ce que fait la Fraternité Saint-Pie-X, sachant que, on va traiter le sujet après, il prévoit maintenant, c'est officiel, de nouveaux sacres. Donc des nouveaux sacres qui vont leur valoir, sur le papier, une excommunication. En fait, le même sort que Mgr Vigano. Le même sort que Mgr Vigano. Donc, à quoi ils jouent Ils sont un peu victimes de leurs contradictions, en fait, à la fratrie. En fait, ils se disent héritiers de Mgr Lefebvre, mais finalement, Mgr Lefebvre, lui, à son époque, ses errements sur la question sont plus excusables, hein, parce que lui, il a connu toujours une église en ordre, et de voir que d'un coup ça change, ça l'a troublé, et à juste titre. Mais après quand même 60 ans de révolution conciliaire, la Fraternité Saint-Pie-X, je veux dire, depuis du moins la mort de son fondateur, a quand même s'est de plus en plus rapproché de la Rome moderniste, et en l'appelant toujours l'Église, alors que Mgr Lefebvre, là Rex aura la référence exacte, mais en 88, il me semble qu'il disait que le Vatican était carrément une loge maçonnique. Il y a eu une double démarche avec Mgr Lefebvre, parce qu'il y a un genre de praxis où quand Rome lui ouvre les portes, il hésite un peu, il traite un petit peu avec Jean-Paul II malgré tout, mais sans vouloir se renier. Alors ça a été très délicat, disons, mais si bien qu'il y a des lefebvristes qui se revendiquent de son héritage en étant un peu plus ralliés, et d'autres en étant plus radical. Sauf qu'à mesure que la situation se dégrade, comme on le voit, normalement, en réaction, on devrait être bien plus radical, quoi. Mais bon. On dit, ouais, non, Vigano, quand même, va trop loin. Ils veulent éviter de prendre le coup près un peu trop tôt, quoi. Mais bon, avec des sacres sans mandat, ça risque d'être un petit peu délicat aussi. Mais finalement, ce qui me trouble, moi, dans l'histoire, c'est que en fait, la Fraternité Saint-Pie-X rejette le cédévacantisme ouvertement, mais finalement, ils se comportent comme des cédévacantistes, finalement. Parce qu'en fait, l'immutabilité par rapport à Vatican ne s'est pas évolué aussi à ce niveau. Ouais. Non, parce qu'ils suivent le catéchisme de Saint-Pie-X, bon, malheureusement avec quelques modifications. Mais en fait, sur l'obéissance, il y a un problème en fait, sur la faillibilité même. Ils ne suivent pas la discipline universelle, tout simplement, qui est infaillible normalement. C'est-à-dire que tu es obligé, c'est pas à la carte. Quoi. C'est-à-dire si tu reconnais le pape, tu dois suivre la discipline universelle. Donc, s'il interdit demain la messe en latin, tu ne dois plus dire la messe en latin. Voilà. Sauf que la contradiction, c'est-à-dire de dire « il est pape, mais je ne lui obéis pas ». Voilà. Mais c'est moi qui confirme la foi du pape, c'est-à-dire c'est le fidèle qui confirme la foi de Saint-Pierre. Alors, ils ne sont pas fidèles à Mgr Lefebvre, en ce sens que lui, il laissait la porte ouverte, au moins, au fait que ces gens-là ne soient pas papes, mais ils lui sont fidèles en ce sens qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, Mgr Lefebvre. Il est resté dans un entre-deux, au final, à mon avis, délétère, même pour la foi, parce que cette schizophrénie de dire « oui, il est pape », mais imaginez que ça continue encore pendant 200 ans, qu'est-ce qui reste vraiment de l'apostasie romaine de l'Église ? Pas grand-chose. Mais il a laissé les choses dans cet état-là quand il est parti. Et à mon avis, ce n'est pas tellement surprenant que ça ait penché de ce côté-là. Alors, je ne jette pas la pierre, hein, mais bon, on peut quand même. Il y a quand même des justes critiques à faire. Ouais, comme on disait, c'est plus excusable. Et en même temps, ça crée une situation où chacun veut être un peu fidèle à l'héritage. Et si bien que même s'il y a une petite erreur, on ne corrige même plus le tir. Quoi. On continue un petit peu. Quelque chose sur lequel il faudrait peut-être changer. Parce que ça, au final, on considère qu'il y a deux églises dans le credo. Quoi. Il y en a une qui aurait la juridiction avec le Vatican et une qui a la foi, c'est nous, parce qu'on conserve les sacrements. Et là, ça pose un problème, parce que dans l'essence de l'église, il n'y en a qu'un seul. Hein. Il n'y en a qu'une seule d'église. Donc, faut arriver à en sortir et ça serait un tel choc mental, je pense. Parce que même là, je veux dire, la sortie de Vigano est assez brutale, où il dit. Pas plus tard qu'hier, hein, je pense que ça devait être vers le 27-28 juin, un truc comme ça, devant mes frères dans l'épiscopat et devant tout le corps ecclésial, j'accuse Jorge Mario Bergoglio d'hérésie et de schisme, et je demande qu'il soit jugé comme hérétique schismatique et qu'il soit du trône indignement coupé pendant plus de 11 ans. Ça bouge un peu, Et à partir du moment où, en plus, on commence à vouloir démettre de fonction un prétendu pape, c'est qu'à un moment donné, pour l'unité de l'Église, pour avoir une tête visible, on voudra bien en retrouver un aussi. Donc finalement, cette étape un peu nécessaire où on se dit, mais tiens, si on en dégomme un, c'est pour ensuite avoir un vrai. Quoi. Donc il y a aussi la solution derrière qui est quand même d'avoir un genre de concile d'évêques qui soit pas gallican, mais... Il n'y a pas de pape, donc évidemment les évêques l'organisent tout seuls. Et c'est là où ils élisent à leur tête un pape, puisqu'il n'y en a pas. Donc c'est un concile général imparfait, et ça existe dans l'histoire de l'Église. Ça a pu donner lieu au concile de Pise et de Constance, par exemple. Pise est un échec, mais en même temps, il y a des canonistes d'Église qui vont dire bah, ce sont des échecs, mais qui finalement ont réussi à conduire à la fin du grand schisme occident, finalement, avec enfin le bon concile, petit à petit, et même celui de Constance, en fait, avec les antipapes, il y avait le faux Jean XXIII, ils ont été déposés, ils ne se sont pas vraiment déposés d'eux-mêmes, il y a sous une grosse pression populaire, des émeutes, des choses comme ça. Si, il y en a eu un qui a renoncé lui-même, d'ailleurs, c'est oui, celui qui avait été élu le premier, donc... Il y a les deux, mais c'est marrant que l'Église, malgré la violence des événements, dise bon, c'est valable, quoi, ça a rétabli la situation. Oui, mais il y a quand même eu un renoncement volontaire, et il y avait tous les électeurs normaux du pape qui sont les membres du clergé romain et les cardinaux, ils étaient présents dans ce sort de conclave qu'ils ont fait dans le concile. Donc, quelque part, on peut voir qu'il y avait une forme de régularité comparable aux autres conclaves. Là, ce qui pose problème, c'est d'une part la continuité et d'une autre part la confiance au conclave. C'est-à-dire que là, on aurait eu des conclaves réguliers qui, au bout d'un moment, auraient foiré. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le conclave régulier, il peut donner naissance, puisque là, il n'y a pas cette question de plusieurs papes en même temps, qui peut se mettre à donner naissance à des faux papes, en fait. Et ça pose problème, parce que même si vous faites ce concile général imparfait, qu'est-ce qui garantit que ça ne va pas refaire la même chose? Vous voyez, il faut pouvoir faire confiance à un conclave régulier, parce que ce qui sort du conclave régulier, c'est la règle de foi, c'est le pape, c'est lui qui dit ce qui est sûr. Donc si la chose qui dit ce qui est sûr n'est pas sûre, si ça peut foirer pendant 60 ans, 70 ans, n'importe quand, c'est que ça pose quand même problème. C'est un concile universel qu'il faut, donc un retentissement mondial, et ça implique la présence de tous les évêques qui professent la vraie foi. Et après, dans ces élections d'antipapes, il y a une grosse différence avec aujourd'hui, parce que là, on aurait des papes Vatican II qui enseignent des hérésies. Les antipapes médiévaux, eux, c'est un vice d'élection, plutôt. Ils enseignaient la vraie foi catholique, ils étaient catholiques comme tout le monde. Il a un cheveu, mais il est riche, riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Mais c'est plus l'élection en tant que telle qui a un souci, finalement. C'est presque moins grave que la situation actuelle où on a un genre de pape du modernisme qui est pris pour le vrai pape de l'Église catholique. Oui, mais il n'y avait pas vraiment de souci dans l'élection, en fait. C'est juste qu'il y en a eu trop en même temps. C'est-à-dire qu'on ne savait plus qui était qui, mais celui qui était pape était vraiment pape. Donc, il n'y avait pas vraiment le conclave régulier qui avait eu lieu. En fait, les autres n'étaient pas réguliers, mais le conclave régulier qui avait eu lieu avait donné naissance à un pape légitime. C'est juste qu'il y a une confusion sur qui était qui. Là, on est dans une situation où il n'y a pas ça. Là, on est dans une situation où, si c'est ça qui s'est passé, ben, il n'y aurait plus de... En fait, il y a quelque chose qui a foiré. C'est-à-dire que le conclave régulier aurait donné naissance à un faux pape. Et je ne vois pas comment tu peux régler cette question de la perte de confiance et cette question aussi de la perte de continuité. C'est-à-dire que là, du coup, tu aurais un trou de « on ne sait pas qui c'est le premier antipape » à ce nouveau pape. Or, il faut qu'il y ait une continuité apostolique. Continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt entre Saint-Pierre et le dernier pape de la fin des temps. Donc, moi, ça ne me satisfait pas complètement. Moi, c'est une punition de Dieu, quoi. C'est-à-dire que là, on a vraiment une situation. Dieu s'est retiré de nous, même a priori de son Église, pour nous châtier. Ce qui montre d'ailleurs que pour Dieu, c'est légitime de châtier. Je dis en passant pour d'autres sujets qui sont... Voilà. On a une situation où si ça continue, c'est-à-dire si Dieu lui-même ne nous donne pas la solution, eh ben on peut clairement douter de la foi catholique. Alors, je ne dis pas qu'il faut... On a des garanties qu'aucune autre religion n'a, mais c'est ça que Dieu est en train de nous mettre sous les yeux. C'est... Voilà. Donc pour moi, il n'y a que lui qui peut donner une solution qui règle tous les problèmes, mais les solutions que donnent souvent les hommes, pour moi, elles ne règlent pas toutes les... À mon sens, elles ne règlent pas tout, quoi. Bah, de toute façon, l'Église doit durer jusqu'à la fin des temps. Elle ne peut être que pleine et entière, quoi. Il n'y aurait pas genre un aspect. Il y a un peu l'épiscopat diminué aussi aujourd'hui, hein. Chez les gardiens et les lefévristes, l'évêque, c'est bien, mais c'est la grande distribution des sacrements, quoi. Tu passes au supermarché et ils te donnent des sacrements, c'est bien, c'est sympa, ça continue la continuité de la tradition, mais en vrai, c'est beaucoup plus que ça, quoi. L'évêque est l'égal des apôtres, le pape, on dit l'évêque de Rome, si bien que les autres évêques sont un peu un genre d'image de lui-même. Et comme il n'y a plus, a priori, de cardinaux qui ne soient pas autre chose que modernistes pro-Vatican II, bon, j'aurais dit, c'est l'échelon d'évêques qui reste. Comme on le voit avec le monde traditionaliste, en quelque sorte, avec tous ceux qui exécutent les anciens rites, donc également lignée cédévacantiste, tucciste, même si quand c'est le monde cédévacantiste, c'est peut-être un peu plus l'armée mexicaine et ça échappe à un plus grand contrôle, quoique, ça dépend, mais. Je précise quand même qu'un prêtre qui ne serait pas évêque peut quand même devenir cardinal. C'est-à-dire que normalement, dans la logique des choses, c'est quelqu'un qui est déjà évêque qui devient cardinal, c'est ce qui se passe dans l'extrême majorité des cas, mais si jamais c'est pas le cas, c'est quand même possible, et ça s'est déjà passé dans l'histoire. C'est des cas un peu exceptionnels. Ouais, il y a des cas exceptionnels, hein, même un laïc de sexe masculin, pourvu qu'il est catholique, peut devenir pape. On peut passer de laïc à pape, par exemple, techniquement. Maintenant, bon, très souvent, ça se fait quand même de milieux quand même formés, avisés et tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes conditions même pour accéder à cet échelon, c'est amusant. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intriguant à la frate. Enfin, Maxence Sicard l'avait relevé. C'est un problème d'ordre ecclésiologique, je pense. C'est que les évêques à la frate, comme l'a dit Rex, c'est plutôt des distributeurs de sacrements. Enfin, je ne veux pas les dénigrer, hein, c'est loin d'être le cas, mais c'est plutôt ça. Ils obéissent à un supérieur général qui est là pour le coup un abbé. Et je pense que sur la plupart des questions essentielles de la tradition, ils n'ont pas tellement voix au chapitre. C'est ce que dit avec très grande bienveillance Maxence Sicard, hein, sans dénigrer personne, naturellement. Mais il y a un problème ecclésiologique à la frate, en fait. Enfin, des évêques ne peuvent pas obéir à un abbé, en fait. C'est un peu inconcevable. Hein. Bah, ils ont eu un problème avec la conception de l'autorité en général, je pense. Oui, du problème de l'obéissance au pape découle tout, en fait, hein, pour eux. Donc, c'est un peu à la carte, hein, malheureusement. Oui, s'il est vrai pape, on doit lui obéir. Et c'est un peu un respect de la condition de pape, si j'ose dire, d'estimer que donc ça ne peut pas être un dégénérat à ce point. Bien sûr, l'infaillibilité, ça n'est pas l'impeccabilité. Donc, il peut y avoir les mêmes travers humains et en matière de géopolitique, de tempérance. Ou de choses comme ça, là aussi, on n'est pas. Il y a des gens qui brandissent des choses sur des thèmes politiques. Bon, quand ça touche la foi et les mœurs, oui. Après, il y a d'autres choses où il n'y a pas de supplément par rapport au pape. Mais c'est vrai que si on estime que un est légitime, en effet, on le suit quand il fait une réforme. On ne dit pas oui, non, moi, je pense que, ou que sais-je, c'est impensable. Je vais faire une petite digression, messieurs. Dites-moi si c'est vraiment trop hors sujet. C'est que. Je l'avais annoncé quand même dans quelques émissions. Vous savez, je ne partage pas spécialement le thèse cédévacantiste. Je pense que certains sont déjà au courant. Et dans l'émission, on va dire, c'est plutôt une thèse qui est majoritaire. Hein. Je crois que Zinko est un peu entre deux eaux comme moi, mais pour tous les autres intervenants, je pense que vous êtes tous ouvertement cédévacantistes. Mais on accepte toutes les opinions, hein, on débat et puis on. J'accepte pas Bergoglio. Hein. Tout est possible sur Rebus. On peut débattre à peu près de tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de censure. Hein, donc chacun peut le droit de s'exprimer. Donc c'est pour ça que je fais cette petite introduction pour parler de Maxence Sicard, parce que il était cité à plusieurs reprises. Donc vous avez vu, apparemment, c'est pas ma chapelle, mais j'ai envie de rajouter ceci. Mais il est très bien, en fait, ce Maxence Sicard. Il s'exprime très très bien, je trouve. Très posé, très intelligent. J'aime beaucoup l'image qu'il renvoie, parce qu'en fait, généralement, les cédévacs sur Internet, des fois, c'est un peu des gens un peu tête brûlée. Je trouve qu'il est très très bien, ce Maxence Sicard, et qu'on aurait... ce dévacantiste ou pas, je pense qu'on aurait gros intérêt à le donner une bonne tribune, quoi. Il est très très très très calme, il a une voix très douce et il prend son temps pour discuter, et il n'est pas en mode je suis cédévac, je sais tout, etc. Beaucoup, beaucoup dans l'humilité, et il évite d'envoyer en enfer à peu près 99% des gens qui ne pensent pas comme lui, quoi. Surtout qu'il n'attaque et dénigre personne, il ne fait que exposer sa thèse. Je te sens amoureux, Bobby. Non, mais tu sais, à force de rencontrer des fois, personne en particulier, de près des parades, mais des fois des cédérecs un peu tarés qui sont en mode ah bah t'es pas d'accord avec moi, ah bah t'es hérétique, je t'excommunie. Je t'excommunie, Bobby. Bobo, je vous cherchais. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, démon. Ouais, des gens qui excommunient sur Facebook, Rex comprendra la petite blague privée. En effet, Maxence Eckhart est très doux et il ne blesse personne, très académique dans son travail et tradit compatible en fait. Bien qu'il fasse un constat, c'est des vacantistes clairs et nets. Et même d'ailleurs, pour les thèmes un petit peu conclave, hein, il a mis un peu de temps, mais il finit dans ses conclusions également à son échelle. Lui, il est assez fidèle plutôt de la Frat Saint-Pédis, même si c'est peut-être pas 100% du temps. Ce qui fait qu'il a ce côté tradit compatible qui existe même à la CMRI. Donc pour le coup, Bobby est un petit exemple qui est invalide. Bon, bien sûr, ça en retirera pas les youtubeurs CDVAC excommunicateurs, mais la CMRI est la plus grande structure officiellement CDVACantiste dans le monde, plus du côté des Amériques. Il s'en revient des Amériques. J'ai vu beaucoup d'Américains. Et pourtant, malgré ce constat de la vacance du siège, Monseigneur Pivarounas accepte que les fidèles, dans des cas de discrétion, assistent à des sacrements qui sont purs, mais malheureusement tenus par des structures qui, elles, sont plutôt en communion, etc. Donc il y a un petit peu toutes les tendances qui existent. Le Monseigneur Carmona, je ne sais pas s'il était pareil, très compatible comme ça, mais il cherchait à faire l'unité des évêques quand même, qui faisaient ce constat, c'est des vacantistes, pour passer à la suite, ce qui n'était pas évident. Et d'ailleurs, de bonnes pensées droitard, puisqu'il envoyait des lettres anticommunistes et anti-Paul VI à Pinochet, au général Pinochet. Tout ça, c'est des petits trucs à connaître. Ouais. Le fameux dictateur qui a envoyé des communistes par hélicoptère, comme certains balancent du haut des toits les sodomites. Quoi. D'ailleurs, la CMRI, c'est une des plus vieilles congrégations, c'est des vacances. Qui existent, ils ont été formés en 68 d'ailleurs, c'est sous Paul VI, quoi. Donc c'est très ancien. Et Maxence Eckhart fait également je tiens à en parler parce que c'est un ouvrage important. Maxence Eckhart conseille la lecture de l'ouvrage de Don Gréa, donc Don Adrien Gréa, un bénédictin français qui a écrit une somme sur de l'Église et sa divine constitution, donc qui est quand même plutôt accessible puisqu'il il a été écrit en français. Et non pas initialement en latin, comme tous les textes d'Église. Et c'est un ouvrage bon, que je dois lire moi-même, et qui, voilà, j'en fais tout de même la promo, puisqu'il fait vraiment, il décrit vraiment ce que c'est qu'un évêque, enfin, il met des définitions derrière les mots, quoi. Donc c'est un ouvrage, je pense, qui est bon de conseiller à nos auditeurs qui veulent se le procurer. Il existe aux éditions Saint-Rémy, qui l'a réédité. Bah pour revenir à Vigano, en tout cas, il fallait pas trop le chauffer, on dirait, hein, parce que les événements ne vont pas s'arrêter là, quoi. Ça va aller de radicalisation en radicalisation de part et d'autre. On le voit même un petit peu avec les modernos qui s'en prennent au rite latin dans les rangs qui sont les plus ralliés, en leur interdisant de plus en plus. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un article qui en fait la mention de nouvelles pressions. Ah, il y a une rumeur selon laquelle il veut carrément interdire totalement la messe en latin. En effet, ouais, c'est une rumeur. On en est là, quoi. Des rumeurs très très sérieuses et pressantes. Et si bien sûr ça arrive, on en parlera. On n'a pas voulu le traiter aujourd'hui parce qu'en fait, c'est encore à l'état de rumeur, mais on va dire que c'est des rumeurs assez fondées, quoi. Donc, interdiction des messes en latin, sauf pour, on va dire, ceux qui ont signé un accord et que voilà, ça sera restreint. Déjà, c'est déjà très, très restreint. Et puis, bon, bien sûr, c'est qu'une étape, parce que si jamais ils y arrivent, bon, voilà, la suite d'après, c'est... Bon, bah, finalement, il n'y en a plus du tout pour personne. Et puis, ils n'ont que le nouveau rite, quoi. C'est là où ils veulent en venir, hein, petit à petit, hein. Peut-être qu'on peut montrer à nos auditeurs quel type de personnes entourent Bergoglio, en particulier ce James Martin qui nous est indiqué par Vigano. On va expliquer la petite blague en début d'émission de Rex avec Lazare, etc. Là, bah, vas-y. Ouais. On va montrer donc ce qui s'est passé entre le pape et James Martin. Donc James Martin, c'est un prêtre, entre guillemets, à chaque fois je dirais prêtre, parce que bon là... Prêtre jésuite qui a été accueilli par Bergoglio le 12 juin. Ils se sont vus à la maison Sainte-Marthe à Rome, qui est liée aux jésuites. Ils ont parlé pendant une heure. Bergoglio lui a dit, donc c'est James Martin sur Twitter qui nous dit ça, et il lui a dit qu'il avait connu beaucoup de bons, de saints, séminaires célibataires et des prêtres avec des tendances homosexuelles. Donc c'est Bergoglio qui dit ça à James Martin. Il a connu beaucoup de bons prêtres homosexuels, de saints prêtres avec des tendances homosexuelles. Ah, oh, m'adresse pas la parole, hérétique, démon ! Et il a confirmé son ministère, donc le ministère de James Martin, avec les LGBT people. Il a montré son ouverture et son amour pour la communauté LGBT. Donc ça, c'était le 12 juin. Et le mois précédent, ce James Martin a publié un livre sur le soi-disant sur le miracle de la résurrection de Lazare, livre qui s'appelle s'intitule Comme Forth. Donc on a un article où James Martin dit qu'il a failli, en fait il voulait l'appeler Come Out. Chacun sait ce à quoi Come Out et Coming Out fait référence. Et devinez qui a préfacé donc ce livre, Bergoglio. Voilà. Donc il a passé, il nous dit dans cette préface que le père James Martin est l'auteur de plusieurs livres qu'il connaît et qu'il apprécie, et il nous dit aussi qu'il y a bien des raisons de remercier James Martin. Bah oui, parce que James Martin a fait la une du New York Times en bénissant deux homosexuels, n'est-ce pas ? Sur son livre Come Forth, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pour James Martin ? Coming out veut dire d'accepter, d'embrasser et d'aimer ce que vous êtes vous-même, spécialement votre sexualité et la façon dont Dieu vous a fait, et de révéler ou de partager cette partie de vous-même avec les autres. Avec ton couteau, je te garantis qu'on peut allumer un feu. Mais pour ça, il faut aller chercher du bois. Allez, on s'y colle, viens. Parce que de temps en temps, on peut être persécuté justement à cause des relations entre personnes de même sexe. Il est clair que ce qu'il veut dire par coming out, ça veut dire embrasser en gros votre homosexualité et dire aux autres que vous êtes homosexuel. Donc ça, c'est pour son livre. On a eu donc cette personne-là, ce James Martin, et pour le fait que les trans et leur puissent aller dans les toilettes qui les intéressent. On a aussi une vidéo de lui que notre ami Bobby va sûrement mettre, même si c'est en anglais, c'est très facile de comprendre, où ce prêtre donc nous pose la question: est-ce qu'en tant que catholique, il faut participer au mois de la fierté, vous savez, Pride Month? Can Catholics celebrate Pride Month when the LGBTQ community marks its place in society? It's especially important for churches to celebrate Pride, and participating in Pride events, or at least supporting our LGBTQ friends, is one way to do this. So happy Pride. Non seulement oui, mais que c'est important en tant que catholique et en tant qu'église de le faire. Voilà, donc une autre raison pour laquelle il faut le remercier. Donc ça, c'est des gens comme ça qui vont, qui vont juger Monseigneur Vigano. Oui. Hein. Voilà, ça c'est important. Donc d'accord. Il faut participer. Et la messe traditionnelle. Il est aussi le créateur d'une ressource qui s'appelle Outreach, qui est facile à trouver sur Internet. Vous marquez Outreach LGBT. Donc c'est qui a été créé par cette personne-là. C'est une ressource catholique LGBT, et vous y trouvez en particulier un guide pour la de la Bible et l'homosexualité. Parce que, bon, vous savez, il y a quelques passages très problématiques dans la Bible. Il appelle ça les « clobber verses », ça veut dire les versets qui servent à attaquer, à écraser. Et il nous dit qu'il faut les lire dans leur contexte historique et se rappeler que les chrétiens dévots ne devrait pas faire tout ce que l'Ancien Testament commande. Et il en va de même pour les épîtres du Nouveau Testament. Donc voilà, il a écrit une ressource catholique, en gros, pour dire que ce qui est dit sur l'homosexualité par saint Paul, on s'en fout. Donc vous allez peut-être vous dire, oui, mais Bergoglio, il encourage son ministère, et peut-être qu'il n'est pas au courant. Eh bien, figurez-vous qu'il lui a envoyé une lettre manuscrite le 6 mai 2023, spécifiquement aux participants de la conférence Outreach, donc cette chose-là, donc Bergoglio, en disant, en les remerciant pour tout le bien qu'ils faisaient. Ça, c'est bien, c'est le bien qu'ils faisaient. Non, c'est dans son livre, en fait, dans son livre Comfort, Jésus Martin, page 286-288, il explique ce que ça veut dire pour lui quand Jésus dit « sors à Lazare ». Il est dans la mort, il est mort depuis 3 jours, il pue, il a déplacé la pierre, et lui, il appelle, il lui dit « sors ». Et on a donc James Martin qui nous donne la signification, donc le sens mystique de ce sort, et il nous dit, voilà, donc en anglais, c'est « coming out ». Ce « coming out » veut dire « accepte, embrasse et aime ce que tu es, spécialement ta sexualité et la façon dont Dieu t'a fait ». C'est clair, spécialement ta sexualité, la façon dont Dieu t'a fait, ça veut dire, voilà, si t'es pédé, ben, embrasse, accepte la sodomie, et en plus, c'est pire, c'est que c'est la façon dont Dieu t'a fait. Hein? Ah ouais. Et il ajoute, et révèle, c'est ça, coming out, et révèle ou partage cette partie de toi-même avec les autres. Ça, c'est son livre. Hein, voilà. Et il précise après... On a brûlé des gens pour moins que ça. Ah oui, ben, on a brûlé des villes. Il y a des pluies de feu qui sont tombées sur Sodome et Gomorre pour ça. Et il précise, voilà, au cas où voilà, on douterait qu'il parle des relations homosexuelles, il dit après « Sometimes, in fear of being beaten to death or executed », et là, entre parenthèses, « Same-sex relations warrant the death penalty in 7 countries », c'est-à-dire les relations homosexuelles risquent la peine de mort dans 7 pays. Good morning, everyone. My name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where a man's anus is leaked like this. Bonjour, Père Mathieu. By the other person. Like ice cream. And then what happens, even poo-poo comes out. The other one poo-poo's out, huh? And then they eat the poo-poo. The other one they do is they have a sex practice called fisting, where they insert their hand into the other man's hand, and it goes all into the anus all the way. And it is so painful, they have to take drugs, but they enjoy it. When please step out. This is a parental guidance moment. That child can be moved out. So I've done research. This is what they do. Number one, you can see a man here, having sucked the other person's rectum, and the other person is poo-pooing, and this one is eating the poo-poo all over the place. Oh, yes. Tell me, when you have a law against homosexuality, do you say, except eating poo-poo? I mean, look at this guy sincerely. Bishop. Stagafulaiza. Hajat. We do not want this sickness. This is sick and it's therefore deviant. We do not want it. Donc, voilà. donc là, je reprends l'argument avancé par Adrien Abosi, enfin, relayé par nous le mois dernier, avancé par Adrien Abosi il y a quelques mois. Donc, un argument très fort en faveur du cédévacantisme. Bah, quand t'es pape et que t'es au courant de ça, vu qu'il y a une offense qui est extrêmement forte, t'es obligé de réagir de manière extrêmement forte et de punir très sévèrement. Alors là, François, non seulement il réagit pas de manière extrêmement forte, mais en plus il approuve. Bon. Préface. Ouais, voilà. Préface ce livre. Pas de problème, quoi. Préface ce livre. Et il l'accueille et il dit qu'il bénit son ministère. Un autre concept répandu par James Martin, un progrès. C'est-à-dire qu'on en était à cette idée de bénédiction des sodomites, des couples sodomites. Ce qui est déjà une abomination apocalyptique. Mais lui, son nouveau concept, c'est que en fait, ce sont ces couples-là qui bénissent l'Église. Non, je déconne pas. C'est sur son Twitter. Il a écrit un article qui s'appelle « How same-sex couples have blessed me ». Comment les couples de même sexe m'ont béni. Oui. Bah. Moi, je suis quelqu'un de très posé, très calme, ce que vous voulez, mais si j'entends ça en face de moi, je deviens violent, mais très violent, c'est pas possible. Alors, il donne deux exemples. Il dit, le mois dernier, j'ai été honoré quand on m'a demandé de bénir, quand deux hommes m'ont demandé de les bénir. Deux hommes que j'ai connus pendant longtemps. Jason, un théologien catholique, parle bien, tu dis Jason, et son mari, Et son mari, Damien. C'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est son mari. Non, non, non. J'ai dit que je n'allais pas être grossier en début d'émission. Et c'est mais là, je vais couper. Un théologien. Ouais, ouais, le théologien. Ouais. Et moi, ensuite... je vais couper l'enregistrement. Là. Je vais aller chercher le petit bois. Non, mais attends, c'est pas terminé. Écoute-le jusqu'au bout. Parce qu'il y a un autre, Kurt, un ancien jésuite, et son mari, Carlos, élève un enfant qui a maintenant 4 ans. Craig, un catholique. Un autre qui est marié à un compositeur catholique qui compose des arrangements qui sont chantés dans l'église où je vais régulièrement. Donc c'est une bénédiction. Alors que dans les actes des apôtres, je ne sais pas, Saint Paul, il nous demande que limite les sujets d'impureté, ce ne soit même pas un sujet entre nous, il ne faut même pas que ce soit une question. On est presque contraint d'en parler parce que Bergoglio, pour lui, si, visiblement, c'est un sujet, mais alors il faut carrément le mettre sur le devant de la scène, quoi. C'est l'anti-acte des apôtres. Et ça vient de l'enfer, tout ça. Bonjour, Père Mathieu. Ça vient de l'enfer. Ça peut pas venir d'un autre endroit. Je suis désolé. Mais le wokisme, bon, aux États-Unis, il est bien avancé, mais là, ouais, c'est toutes les associations qui se disent catholiques sont vraiment d'un genre wokisme plus transsexualité, quoi. On ne bénit plus que les couples dits homosexuels. En fait, c'est dans homosexuel. C'est tout, quoi. C'est le pédomane, le trans, le je sais pas quoi. C'est la fête. Les déclarations de Bergoglio, on sait jamais. D'un côté, il dit quelque chose, d'un autre côté, il dit autre chose, etc. C'est difficile de le cerner. Alors déjà, non, c'est pas difficile, parce que le oui et le non, notre Seigneur, il nous a dit d'où ça venait. Mais là, il faut juger par ses actes. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Là, il est clairement rattaché à ce James Martin. Il ne peut pas ne pas savoir ce qu'il fait. Et donc, en observant les œuvres démoniaques de James Martin, par déduction, j'ai terminé. J'attendais la suite. Okay. Par déduction, rien. Hitler. Voilà. Hitler. Sinon, il y a un petit fait annexe qui est à retenir et qui a été un choc à l'échelle de l'Espagne surtout, c'est qu'il y a les sœurs Clarisse qui ont coupé radicalement du Vatican en Espagne. C'est un autre contexte, puisque le lefévrisme ou les courants cédévacantistes ont peu réussi là-bas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas très présent. Et donc là, vous avez un cas de sœurs conciliaires qui basculent du jour au lendemain, et en envoyant une déclaration cédévacantiste très solide de 70 pages doctrinales et historiques, ça rigole pas, hein. Cela dit, en se rattachant forcément à un peu ce qui existe en Espagne, plutôt des émules palmaristes, ceci, cela, si bien que ça a été Monseigneur Pablo de Rojas, je crois qu'il y a bien 2-3 évêques là-dedans. C'est issu d'un courant assez spécial, hein, mais bon, faut pas les juger trop vite, parce que c'est pas du tout le même contexte, mais voilà, on voit que c'est un peu la lignée tuque qui est entre guillemets honteuse, parce qu'il y a eu un Monseigneur Dominguez, qui est mort depuis au moins 20 ans, qui avait un genre de mysticisme conclaviste. Il a dit que Saint Paul, Saint Pierre sont apparus, ils l'ont élu pape, machin, c'était un délire, quoi. Et là, le problème aussi, c'est qu'avec Monseigneur Pablo de Rojas, il y a des affaires d'impureté, un peu, qui touchent certains clercs là-bas, voilà. Pas 100% probablement, hein, mais... Et donc c'est quand même intéressant, parce qu'elles, elles n'ont pas été convoquées ou quoi, mais à l'échelle de l'Espagne et des diocèses, ça a été un gros choc mental, avec beaucoup de travail journalistique fait à leur rencontre, en disant ils se sont séparés de l'Église, alors que elles, leur discours est de dire, bah non, nous voulons rester catholiques, donc nous nous séparons de... Voilà. Et c'est quand même comme quoi ça ne bouge pas qu'à l'échelle de Vigano ou autre, c'est vraiment... Il y a une petite dynamique générale qui, à sa façon, bouge un petit peu partout, quoi. C'est intéressant. Donc j'invite un peu nos auditeurs à se renseigner un peu librement sur tout le combat traditionnaliste historique et tout ce que ça peut donner comme ça, comme courant, quoi. C'est à la fois dingue et passionnant, quoi, de s'intéresser à ça. Autant pour Monseigneur Vigano, je suis très content de voir... Moi, j'aime bien quand c'est clair. J'aime bien qu'il y ait une césure, voilà. Donc, les modernistes, fous, homosexuels, communistes, transsexuels, ce que vous voulez... et puis la tradition de l'autre, et s'il n'y a rien entre les deux, bah très bien. Ça, on voit bien la différence entre qui est qui, et il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, finalement, cette histoire avec Monseigneur Vigano, je trouve que ça éclaircit un peu les choses, et on y voit un peu plus clair, et ça va dans le bon sens de l'histoire, c'est très positif. Ça peut apporter un peu de confusion, mais comme tu dis, sinon les choses bougent et on voit que ça se radicalise et tout. Ah bah ça va bouger très vite, parce qu'il ne s'est pas rendu au procès, donc forcément il va être excommunié et puis voilà, donc ça va se régler très très probablement comme ça. Mais là, pour cette histoire de ces bonnes sœurs espagnoles, je trouve que ça apporte un peu plus de confusion, surtout que bon, se rapprocher de l'église chrétienne palmarienne, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est très très mauvaise pub pour le site de vacantisme pour le coup. Hein. Alors, choses positives sur le site de vacantisme juste avant, là je trouve que c'est très négatif. Oui, alors, mais comme je disais, c'est pas le même contexte, donc il faut pas les juger trop vite. Et avec quelques camarades, elles ont été contactées et il y a eu un article tout récemment pour dire, j'ai oublié de conclure, excusez-moi, Monseigneur Pablo de Rojas a été éjecté. Donc, je sais pas si elle a, voilà, elles se sont beaucoup informées, elles ont peut-être continué. Est-ce que ce mail a aidé ou quoi? Peut-être qu'elles se sont rendues compte d'elles-mêmes, mais en fait, elles sont liées à rien du tout, par contre, là, à l'heure actuelle. Bon. Les CD vacances et les gens de la fraternité Saint-Pédis, ils ont chacun des qualités et des défauts et ils sont complémentaires, je trouve. Qu'ils ont un petit peu, dans la fraternité, ils sont un petit peu plus calmes, un petit peu plus, voilà, comment dire, c'est un peu plus église, quoi, parce qu'il y en a plus, etc. Et ce que j'aime bien chez les CD vacances, c'est un petit peu ce côté, bon, malheureusement, souvent ça va trop loin, mais ce côté plus clair, c'est-à-dire en particulier sur ce qu'il se passe au Vatican. Moi, quand je veux savoir ce qui se passe au Vatican, je vais sur la chaîne des frères Diamonds. Donc là, il y a des vidéos, c'est là où j'ai trouvé pas mal de choses sur James Martin. J'ai regardé tout à l'heure aussi une vidéo, un témoignage sur l'enfer de quelqu'un qui a eu un épisode de mort imminente, a priori véridique, qui allait en enfer. Mais ils ne sont pas un petit peu fainéistes quand même, Vatican complètement catholique. Ah, c'est ouais, ils sont complètement fainéistes. Ouais, c'est une tendance assez spéciale, il y a une raison de... Mais bon... Ils envoient tout le monde en enfer. Ils excommunient tout le monde. Ils envoient tout le monde en enfer. Il faut faire gaffe. Hein. Je vais te faire un disclaimer là. Super gaffe avec ce genre de truc parce qu'effectivement, dès qu'ils parlent, par exemple, dès qu'ils parlent des mœurs ou des histoires de news du Vatican, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ouais, ils c'est font ça. Des vidéos. Ouais, la vidéo sur l'enfer, surtout, on parle de la même. Je trouve qu'ils ont fait un super bon boulot. En fait, ils sont. Il y a une nouvelle. Ah d'accord. Ils sont CDVAC, mais je trouve pour des très très mauvaises raisons. C'est-à-dire que ils se rallient à leur fondateur de leur secte, ouais, je voulais dire ce mot de leur secte, l'abbé Robert, je crois, Finet, c'est Robert, ouais, je crois que c'est ça. Qui est un abbé américain, qui lui donc nie le baptême de sang, le baptême de désir, il ne voit que le baptême d'eau là, que visible, on va dire, et donc ils ont fait une c'est des vacantismes, on va dire contre Vatican II, d'accord, mais aussi et surtout à cause de ça, parce que en gros, ils rejettent le Concile de Trente, quoi, carrément. Donc voilà. Ils envoient tout le monde en enfer. Pour eux, le baptême, c'est quelque chose qui sert à envoyer tout le monde en enfer, en fait. Tous ceux qui ont reçu le baptême de sang, le baptême de désir, bah en fait, non. Il y a un ange qui est venu, qui a mis quand même de l'eau physiquement. C'est un délire. Léonard Finet me dit. Le sédacantisme, oui, en général, quand même, dans 99% des cas, ça s'arrête plutôt à Pie XII, hein, le fait d'avoir une tête visible. Il y a peut-être un tout petit peu à Pie XI, mais ils n'ont pas des arguments assez à charge contre le pape Pie XII. Et après, bon, c'est des autres tendances, quoi. C'est les vieux catholiques, genre, limite, ça s'arrête à Pie VI, parce que Pie VII. S'allie en quelque sorte avec la Révolution, avec Napoléon Bonaparte, quoi. Mais bon, c'est des ou alors les églises d'Autriche indépendantes, machin. Ça a toujours existé, ces trucs-là, mais ouais. En effet, le cédévacantisme, c'est bien quand il y a une réelle vacance du siège. S'il n'y en a pas, il ne faut surtout pas l'être. Hein. Très bien, messieurs, je vous propose de faire une courte pause musicale et on se retrouve dans 2-3 minutes après une musique en l'honneur de la très très très belle ville de Paris. A tout de suite. Wesh, wesh, cousin! C'est la famille! Rap! Yeah! La ville lumière n'éclaire plus rien, Paris n'éclaire que les Ivoiriens. Dans le RER, y'a que des Maliens. Pour voir des guerres, faut marcher loin, faut marcher vers le quartier latin, même si c'est cher, c'est parisien. Mais faut se taper tous les bobos qui ont voté pour Hidalgo. Des coups frappés de 30 kilos, ça va être drôle pour les JO. Les rats vont chier dans le métro. À moins que ce soit un des surmulots. 9-2, 9-3, trou amer. 9-4, 9-5, trou amer. Paris, Paris, trou amer. 9-2, 9-3, trou amer. 9-4, 9-5, trou amer. Paris, Paris, trou amer. Je voulais aller au Sacré-Cœur, je voulais prier sans voir de beurre, mais trop blindé, plus la sœur, pas un français à l'intérieur, faut se pincer le nez, pas prendre peur, vous connaissez le bruit et l'odeur. Sorti de la rame, c'est pas joli, puisque Paname c'est l'Algérie. Je croise des dingues de Tunisie, partout l'islam et l'Arabie. Je vois des imams, des sacs tatis. nuit pour pouvoir accéder ici. Puisque Panam c'est le Mali, pas d'amalgame, c'est ça qu'on dit. Dès qu'une lame plante une Sophie. 9, 2, 9, 3, trou à mer. 9, 4, 9, 5, trou à mer. Paris, Paris, trou à mer. La gare du Noir, la gare de Lyon, tu traînes le soir, t'as la pression. C'est l'abattoir pour les Bretons, c'est la mer Noire, pas l'Aveyron, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Traîne sur les squares et traque le blond. Marais, c'est non pas de ça de grâce. J'tiens à mon fou, j'tiens à mon as. Là où ça vaut, tu le ramasses. J'veux pas de mignon ni qu'on me replace. J'veux que la légende ait comme cette crasse. J'regrette ton tour au champ de Mars. 9, 2, 9, 3, trou à mer. 9, 4, 9, 5, trou à mer. Paris, Paris, trou à mer. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. 9, 2, 9, 3, trou à mer. 9, 4, 9, 5, trou à mer. Paris, Paris, trou à mer. Ah, ah, ah, ah, ah. Nous voici de retour pour la deuxième partie de votre podcast mensuel favori Orémus, après cette petite pause musicale. Donc je m'excuse, mais en fait j'ai pas tenu ma promesse, il y a eu des mots un peu grossiers qui sont échappés de cette chanson, excusez-nous, mais voilà, c'est un petit côté rigolo, voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre. On va reprendre un thème sérieux tout de suite, un thème qu'on a un peu déjà évoqué durant la première partie, avec la confirmation, c'est tout à fait officiel, de sacres qui vont arriver dans la fraternité sacerdotale Saint-Pélagie, j'ai dit de manière tout à fait officielle, parce qu'en fait, il y a un communiqué de l'abbé Benoît de Jorna, qui est donc le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pélagie pour la France, à destination des fidèles, qui est public, on mettra d'ailleurs le lien en commentaire si vous voulez le lire, où il annonce que ça va arriver, il précise pas où, quand, comment, pourquoi, un petit peu quand même, je lis un petit extrait, et vous allez comprendre. Nous allons avoir besoin prochainement de forces pour affronter l'événement ecclésial qui commence à se profiler, des sacres pour donner des aides qui deviendront un jour leurs remplaçants aux évêques sacrés par Mgr Lefebvre en 1988. Plus loin, donc il ajoute, lorsqu'une telle décision sera annoncée par le supérieur général, donc de la fraternité sacerdotale Saint-Pélagie, il faut s'attendre à un déchaînement médiatique contre les intégristes, les rebelles, les schismatiques, les désobéissants, tout ça entre guillemets, j'en passe et des meilleurs. À ce moment, nous aurons à affronter les contradictions, les injures, les mépris, les rejets, peut-être même des ruptures avec des personnes proches. La vertu de force nous sera très nécessaire en cette occasion cruciale. Et le communiqué continue encore un peu. Donc voilà, ça va arriver. Et lorsque ça va arriver, ça fera un grand bruit. Et là, je rajoute un petit commentaire personnel. Tant mieux que ça arrive, parce que les évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pélagie, ils ont plus 20 ans. Donc il fallait un peu se dépêcher, et en plus, si jamais ça fait la fameuse rupture dont j'ai parlé auparavant, où on voit bien les modernos d'un côté et puis la tradition de l'autre, moi je prends, il n'y a pas de souci, allons-y. Bah, ça a été confirmé donc par l'abbé de Jorna, et puis on avait un peu parlé du sujet précédemment, parce que la rumeur était tout de même une rumeur sérieuse, et un peu tous les sites catholiques, résistance, etc., le mentionnaient. En même temps, il y a voilà opération survie, je l'appelle un peu comme ça. Et puis, tu l'as dit, Bobby, vu l'âge de plus en plus avancé des évêques faits par Mgr Lefebvre, en effet, il vaut mieux à un moment donné se renouveler au risque de ne plus avoir d'évêques et de mourir même en tant que structure ecclésiale, quoi. Donc, ce qui est le plus rassurant, évidemment, c'est qu'ils ont l'air de vouloir le faire hors mandat romain. Je crois qu'à part les seules sources contradictoires, entre guillemets, je pense, sont très conspirationnistes. Parce que tout le combat de la tradition catholique est là, quand même. C'est ce qu'on va conserver, les vrais rites de l'Église qui ont été confirmés par les papes prédécesseurs. Ou est-ce qu'on va le mêler de d'autres choses, comme avec l'affaire Wunder, par exemple, qui s'est réglée d'elle-même, puisque forcément, il a pris sa retraite à la Fraternité Saint-Pédis. Donc, il n'allait pas vivre indéfiniment maintenant qu'il est décédé. Bon, paix à son âme, mais voilà, il n'avait pas été réordonné, puisque la politique officielle de la Fraternité Saint-Pédis, depuis à peine 20 ans, j'ai l'impression, c'est un peu le travail Mgr Lefebvre, j'ai l'impression, ne réordonne plus forcément. Et ça, c'est assez inquiétant, parce qu'on se dit, si ces rites de réordination sont douteux, un faux prêtre donne une vraie messe, un vrai prêtre donne une fausse messe, ça part dans quel sens entre les ralliés et tout ça et ce qu'on assimile à nous. Donc c'est voilà, cet aspect qui est inquiétant et tout le nerf du combat est là, c'est de tenir. Maintenant, bon, ils le confirment plus, je pense, parce qu'ils ont tâté le terrain, quoi. Ils ont vu que ça va, probablement les fidèles sont assez résistants, même s'il faudra voir le déchaînement du Vatican. Donc on va voir ce que ça donne et si ça donne aussi des accusations de schisme, parce que techniquement, en effet, un mandat, une ordination sans mandat, ça n'existe pas dans l'Église catholique, à moins de dire que la hiérarchie a fait défection et que donc des fidèles, même de grade inférieur, prennent le relais, bon, pas des laïcs, mais voilà, que c'est aux évêques un peu d'assumer les choses, comme ils l'assument d'ailleurs. Là, pour le coup, il y a vraiment le fait d'assumer la chose sans assumer peut-être une juridiction pleine et entière, finalement. D'autant qu'entre-temps, Monseigneur Williamson, quand tu veux devenir évêque, hein, même toi, Bobby, si tu veux devenir évêque, c'est simple, tu t'envoies une petite lettre à Monseigneur Willy, parce qu'il sacre à fond, il sacre au black, ça balance du sacre. Hein, donc, il sacre au black. Non, mais si tu veux devenir évêque, tu peux demain, tu t'envoies une petite lettre à Monseigneur Willy, ça peut se faire assez rapidement. En plus, tu lui fais deux, trois petites blagues là, sur la Seconde Guerre mondiale. 6 million Jews wickedly killed in gas chambers by the Nazis. C'est vrai qu'il y a des points d'accroche. Ouais. Ouais. J'y penserai, je te remercie, Rex. Personnellement, je vois un lien direct avec le premier sujet. Hein. C'est-à-dire que le premier sujet, on avait parlé de ces cathos pratiquants qui, donc, on va dire presque un cathos pratiquant sur deux a voté pour l'extrême droite. Et à contrario, vous avez la hiérarchie avec les évêques de France qui dit, ah, attendez, vive le communisme, votez surtout pas pour l'extrême droite. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la fraternité sacerdotale Saint-Pélice. C'est-à-dire que les fidèles, s'ils sont à la frate Saint-Pélice, bah, c'est parce qu'ils veulent une rupture avec les modernistes, quoi. Sinon, s'ils voulaient un rapprochement, ils seraient à la fraternité Saint-Pierre. C'est pour ça qu'ils y sont. Alors que l'hiérarchie est un peu plus timide qu'on a vu avec Monseigneur Vigano, la vertu de prudence, voilà quoi. Mais là, on va dire les événements les poussent un peu à agir, ils n'ont pas vraiment le choix, parce que Monseigneur Thyssen Malraux, il est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est né en 1945, donc faut se dépêcher, hein. Si en fait ça fait pas également suite à la rumeur là qu'il y a eu récemment de l'interdiction du rite tridentin. Même au niveau diocésain, Ecclesia Dei, etc. Ça avait été annoncé pas... quand même. Moi, ça n'a pas été choisi au dernier moment à cause de cette histoire, ça c'est sûr. D'accord. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et je tiens à préciser que pour moi, il est évident que la Fraternité Saint-Pédis est une immense bénédiction providentielle à cette époque de l'Église, que cette œuvre a été bénie de Dieu, quand on voit la façon dont elle s'est développée en France, et non seulement en France, mais maintenant elle est présente partout, donc il y a même un aspect universel. Je crois vraiment que c'est là que se préserve vraiment la tradition, en fait. L'Église est la tradition. Je le vois bien, parce que je suis amené à passer du temps dans des pays où la fraternité est moins présente. Je vais assister, alors j'ai la chance quand même de pouvoir avoir, même quand je suis en déplacement, des messes en latin. Mais vous voyez la rupture, en fait. Vous voyez que dans la tradition, dans la fraternité Saint-Pédis, par exemple, tout le monde chante, en fait. Tout le monde connaît les chants. Vous sentez qu'il n'y a pas eu de rupture. Et quand vous allez, entre guillemets, officiel, mais qui dit quand même la messe en latin, ben, vous avez les fidèles qui ne chantent pas. Même le prêtre a du mal à dire le Deo Gratias. Vous voyez qu'en fait, quelque chose s'est perdu. En fait, tout simplement, ils essayent de le reprendre à moitié parce que les gens se désintéressent complètement de la nouvelle messe et que même chez eux, il y a une demande pour la tradition. Mais quand vous comparez les deux, il est clair que la tradition, elle a été conservée, en particulier à la Fraternité Saint-Pédis. Ça, c'est un trésor, c'est providentiel. Le dépôt... Et donc je salue que ça continue, puisque quoi qu'ils disent, bah, ils sont obligés par la pratique, entre guillemets, un peu de finir par se contredire, et heureusement, pour leur propre survie. Donc voilà, je m'en félicite. Je suis d'accord avec Azinko, c'est quand même une bénédiction d'avoir la fraternité Saint-Pédis. C'est quand même 700 prêtres, je crois, dans le monde entier. Bon, il n'y a malheureusement pas assez d'évêques, mais on va avoir la très bonne nouvelle d'en avoir plusieurs autres. C'est-à-dire que c'est une bénédiction aussi parce que même quand vous êtes en déplacement, par exemple, si vous allez travailler en Malaisie, bah écoutez, il y a 4 centres de messe en Malaisie dans un pays à 90% musulmans. Donc pour moi, oui, c'est quand même, comme l'a dit Zico, encore une fois, c'est une grâce de Dieu de pouvoir avoir ces messes, de pouvoir avoir la tradition. Moi, j'étais pas au courant que dans les ecclésiadéis, il y avait un problème de transmission, il y a un problème de, enfin, les gens qui savent pas chanter. Et c'est vrai que, par exemple, vous allez à la fraternité Saint-Pédis, vous avez beaucoup de familles qui sont tradies depuis très longtemps, les chants, tout le monde les connaît, dans les pèlerinages, tout le monde, chante. Enfin, on sent qu'il y a une vraie transmission, une vraie tradition. Et c'est vrai que c'est là où est l'église, en fait, hein. Et puis il y a d'autres congrégations, évidemment, qui font le travail. J'ai laissé des vagues. C'est une vraie bénédiction. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va s'en réjouir malgré le climat un peu délétère en ce moment. C'est une très bonne nouvelle que l'Église poursuive son œuvre. Bah depuis, en plus, les sacres de 88, donc c'est ce qu'avait fait Mgr Lefebvre en en consacrant 4, dont un a été mis à la porte depuis, n'est-ce pas ? Ça a eu un retentissement mondial, une critique féroce et tout ça. Hein. Donc en effet, même si c'est une quarantaine d'années après... Il faut qu'ils s'attendent à quelque chose. Et en effet, comme de même que les tradis de souche font des enfants pour se perpétrer, les évêques font des lignées d'évêques pour que ça persiste. Donc on se réjouit tous, je veux dire, de cette continuité. Et en plus, vraiment, en voulant le faire dans les règles de l'art, en espérant que, voilà, non seulement ça permette de se faire manger moins vite par les modernistes, essentiel d'ailleurs à l'Église, puisque même les cardinaux, par exemple, c'est une création plus tardive et non essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on peut totalement s'en passer ou quoi, c'est pas un problème, mais vraiment, l'évêque, lui, c'est limite tiré de l'Évangile directement, quoi. Donc il nous faut des autres combattants lefévristes, là, pour le coup, radicaux, qui acceptent peut-être de conclure encore mieux que leur chef de référence. Mais c'est vrai que Titien de Malray, même là, sur les rites modernes, un peu comme Mgr Williamson, a pu dire une chose dans les années 80 qui était plus radicale qu'aujourd'hui, où il finit par un peu accepter. Les deux se ressemblent un petit peu là-dessus. Là où chez Williamson, bon, ce sont plus les résistants lefévristes radicaux, quoi. Ils veulent pas échanger avec Rome, voire une partie d'entre eux sont d'opinion, c'est des vacantistes. C'était un petit peu les deux camps qui existaient peut-être un peu plus à la Frat, mais Mgr Lefebvre avait fait un petit peu le tri en rapprochant Jean-Paul II, comme j'en parlais la dernière fois. À partir de là, ils ont dit « Ah, ne le dites plus publiquement que vous êtes de ce constat sédacantiste, parce qu'on m'a... » En fait, il a reçu des pressions à ce niveau-là. Et c'est là où il a un petit peu fait machine arrière. Donc il y a un petit peu plusieurs périodes chez Mgr Lefebvre. Et même là, en fait, je pense qu'il a inquiété, et ce qui a fait qu'il n'aille pas non plus jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné, il y a une tirade bien connue où il dit « Mais c'est ces vacantistes, là, ils disent qu'il n'y a pas de pape, mais qu'ils élisent le leur. » Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au bout de ce constat, c'est que ça implique beaucoup de choses, énormément de choses pesaient déjà sur ses épaules. Ils disent qu'il y aura probablement une organisation d'évêques à faire, une déposition de pape, sans appui de pouvoir politique en plus. Et voir en élire un. Donc, en effet, là, tout de suite, il a fait bon, élisez votre pape, les gars, j'arrête tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que des sacres d'évêques aujourd'hui, ça n'aura pas le même impact qu'en 88. Aujourd'hui, il y a Internet. Ça va avoir un impact, on espère, conséquent sur les consciences. Bon, ça va aussi exciter tous les démons. Et... Bonjour, Père Mathieu. Ce sera très bien, en fait, hein, parce qu'il faut que ce soit diffusé massivement et avec toute la pompe nécessaire, comme en 88, comme ça s'est fait en 88. Et pas 1488, mais 1988. Même si on dit SS pour sa sainteté, Pie XII, par exemple. Je vous arrête, je crois qu'on n'a pas prononcé une seule fois le mot juif. Ah, on ouais. Dit Hitler non plus, alors je vais te dire Hitler. Ah, si, si Rex l'a dit au début. Ouais, c'était peut-être une blague qui passera pas. Le SS Reichsführer Pie XII. Voilà, c'est bon, l'émission est complète. On a failli oublier les mots essentiels. Les Juifs ! Les Juifs ! La faute aux Juifs, si rien ne va. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Je profite, je suis d'accord avec le constat des Zinco. C'est vrai que sur, j'imagine, un monde alternatif avec une fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui aurait été tuée dans l'œuf, ça aurait été bien, bien plus compliqué d'un point de vue pratique de faire vivre la tradition. Donc c'est vrai que c'est une bénédiction qu'on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on prend ça comme un acquis, mais on devrait pas, on devrait dire, on a quand même beaucoup de chance. Et je me souviens justement, parce qu'on parlait aussi de Monseigneur Tissier de Malraix, lorsqu'il parlait de cette la biographie en fait de général de Monseigneur Lefebvre, avant de fonder Écône, en fait, Monseigneur Lefebvre se posait la question aussi du financement. Il voulait pas s'engager comme ça dans cette voie. C'était le début, hein, c'était un grand risque. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en très très peu de temps. Les gens ils attendaient, il faut faire un séminaire. Il avait trouvé Écône. Attends, faut que j'aille en Suisse, c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment, si jamais je fais ça, il y avait pas encore la rupture totale à ce moment-là, mais ça va rajouter de l'huile sur le feu. Et Monseigneur Lefebvre avait une prudence. Il s'est dit, comme à chaque fois qu'il devait fonder une maison ou n'importe quoi, dès si j'ai pas la moitié des fonds, je ne le fais pas. Donc c'était la prudence qui, je trouve, c'est assez raisonnable d'ailleurs. Et par rapport à Écône, du coup, il n'avait pas la moitié des fonds, alors pas du tout. Et donc il allait sur le chemin faire une réunion et pour annoncer qu'il n'allait pas fonder Écône. Et il avait commencé à faire son intervention. Il reçoit un coup de fil important d'un généreux donateur qui lui annonce qu'il va lui donner les fonds. Et du coup, bah, il change son fusil d'épaule et il crée Écône le jour même. Il change sa décision le jour même et il crée Écône et il annonce la bonne nouvelle. Et comme quoi, l'histoire se joue à peu de choses, quoi. Et providentiel. Ah non, mais ça se joue à l'intervention, c'est providentiel, c'est évident. Ouais, et tu dis que tu te rends pas compte, mais je peux t'assurer que quand tu vas dans un pays, bon, heureusement, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais dans un pays où ils sont pas là, tu le sens passer. Je peux te l'assurer. Quand t'es dans un coin perdu en France, etc. En France, ils sont partout. Il y a presque plus de coins perdus. Enfin bon, il y en a encore quelques-uns, mais on est vraiment bénis, hein, en France. Hein. Ah, bon, beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ouais. Pierre Hillard a raison. La France est bénie. Bah, il doit y avoir, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose, c'est sûr, avec notre passé. On ne sait pas grâce à nous. C'est... Par rapport à, donc, vous avez compris la petite boutade de la France fiennée de l'Église, hein, qu'on est en train de rigoler dessus. Je fais un peu de pub, hein. Franchement, maintenant, j'embête plus. Hein. Je prends la parole comme ça en plein milieu de l'émission pour faire de la pub. Non, pour dire qu'il y aura une chanson rigolote en fin d'émission sur ce sujet-là. Et aussi un petit peu sur Pierre Hillard, voilà. Mais bon, c'est rigolo, le prenez pas mal, c'est un peu d'humour. D'ailleurs, en parlant de fille aînée de l'Église, il me semble que c'est l'Italie qui a le record du nombre de saints, non ? Sûr, de saints, de papes même. Et puis alors, très très loin devant tous les autres pays. Hein. Genre, c'est 10 fois plus que le second. Hein. Et le second, je crois que c'est pas la France. Hein. Italie, fille aînée de l'Église, j'annonce. Ouais, mais même ces expressions de... Quand on reprend ce que dit Jésus sur la montagne, les béatitudes, la première béatitude... C'est bienheureux, les pauvres en esprit. Toutes ces expressions, France fille aînée, machin, tout ça nous enfle. Donc, en tant que catholique, on devrait jamais dire. Sur le plan spirituel, ça nous fait du mal, de toute façon. Alors, en plus, ça nous fait du mal sur le plan politique, je pense qu'on l'a montré. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de. Être accroché à ça, c'est mauvais signe. Oui, même si c'était vrai, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Même si c'était vrai, ça fait un peu. Regardez, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas une attitude très catholique, quoi. C'est vrai, tant mieux, mais voilà. C'est... Alors, qui va faire les ordinations des évêques dans la frate et est-ce que cette personne va se faire excommunier? Ça, c'est la grande question. Et puis, quels prêtres vont devenir évêques aussi? Ça peut être intéressant selon les personnalités, tempéraments, formations. L'abbé Rioux? Est-ce que... Non, je pense pas. Je pense pas que l'abbé Rioux, on aime bien. Bill Koch, j'aimerais bien. Ah oui, bien sûr. Le SSA Obstumpfuhrer Rioux. L'abbé Beauvais, ouais, il n'était pas dans les petits papiers de Monseigneur Fellé, mais cette époque est un peu révolue. Bon. On va arrêter de citer des noms parce que ils vont se faire tuer à cause de nous. On les taquine, c'est bien. On influence dans le bon sens. Imaginez, l'abbé de Jorna, il écoute, il attend la publication, il ne sait pas qui choisir, mais voilà. Non, bah, à la sortie, il ne saura pas, mais si des gens lui le signalent, bon. Non, je disais qu'au fond de la salle, il y a un certain peintre autrichien qui attend son sacre. Santo subito. Là, il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'humour. Hein. On a fait une petite... encore une autre musique avec Saint-Hitler, etc. Je ne sais plus exactement, c'était quoi. Oh Hitler. C'était quoi déjà le titre C'est un genre de concile général imparfait, mais avec Adolf Hitler, quoi. Voilà, Donc, je trouvais que c'était assez rigolo. C'était bien dans le ton, en plus de tout ce qu'on avait développé auparavant. Il y a des gens, ils ont pris ça, mais vraiment au pied de la lettre. Hein, Sérieux ? Au pied de la lettre coranique. Non, mais vraiment, aucun second degré, quoi. Ce sont des pinces sans rire. En fait, on déconne, c'est son arrière-petit-fils. Donc maintenant, on est encore obligé de préciser si jamais on fait du second degré. Non, bien sûr, on ne va pas faire de concile imparfait avec Adolf Hitler. Adolf Hitler. Non, mais c'est... À un moment donné, il faut utiliser son cerveau, quoi. C'était une petite blague. Ouais, ouais. Bon. Ce qui est vrai, c'est qu'il a sauvé l'Europe du bolchevisme, quand même. C'est pas mal. Je propose qu'on reste encore dans le ton, puisqu'on parlait de tradition, modernisme, et que c'est une émission, en fait, très, très concentrée sur ces deux sujets et très dense. Je voulais parler du pape François qui accueille encore des homosexuels et des transsexuels au Vatican. Donc ça s'est passé le 5 juin 2024 au Vatican. Donc François, il a récidivé, il accueille des trans, des homos. Et en plus, ce sont des gens qui se rendent, donc apparemment on a pris ça tous les mois dans les audiences publiques, et on leur offre des places d'honneur en raison, juste parce que bah, apparemment, il y a des hommes qui font des choses pas très catholiques pour le coup. Et toi Judas, tu ne manges pas ? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique ? Avec d'autres hommes, et ça, c'est l'honneur. C'est honorifique. Demandez leur nom, demandez tout ce qu'ils ont besoin, ne leur demandez pas leur sexe, a déclaré le pape, selon Juan Carlos Cruz, un homme ouvertement homosexuel et ami de François, nommé par le pape à la commission pontificale pour la protection des mineurs à l'occasion de cet événement. Donc voilà, un mec qui est ouvertement homosexuel et qui se retrouve à la commission pontificale pour la protection des mineurs. Je ne sais pas si c'est très prudent. Protection des mineurs, c'est du délire. Je croyais que ça allait être des minorités à la limite dont il fait partie, mais bon. Ouais, bah je ne suis pas sûr qu'ils soient en état de protéger qui que ce soit. C'est le loup dans la bergerie, là. Ils profitent de prédateurs, ces gens-là. Donc, bon. Si vous l'ignorez, maintenant je vous l'apprends. Si vous êtes homosexuel ou transsexuel, vous avez le droit à des places d'honneur. C'est honorifique. Faire des partous avec des hommes, c'est honorifique, sachez-le. Bonjour Père Mathieu. Ouais, bah on en a parlé, c'est un sujet même il y a quelques mois où, vous savez, le clergé diocésain africain a été choqué du thème des bénédictions des homosexuels. Donc là, c'est un peu la suite du drama, hein. Comme avec Vigano, l'affaire James Martin et tout ça. Ouais, il y a des dramas à n'en plus finir et qui ne sont pas très jolis en matière de mœurs. En plus, c'est assez sale. Hein, donc, c'est un linge sale qu'on lave d'habitude en famille, mais là, il est un peu exposé partout dans les structures du Vatican. Donc, c'est un peu inquiétant. Alors voilà, à part les conciliaires conservateurs, les traditionnalistes et les Africains, bon, bah, plus personne n'est choqué par cela. C'est le deuxième volet inquiétant de la chose. Et donc Bergoglio accueille directement des délégations transsexuelles. Donc on avait compris que ces dites bénédictions homosexuelles étaient finalement... Ça pouvait concerner toutes sortes de variantes sexuelles. On ne s'arrête jamais. Ça, c'est vraiment le truc qui est intéressant à analyser. Ça commence quelque part, on pose des jalons, mais après, ça part beaucoup plus loin. Et là, je pense qu'on peut même remonter à plusieurs choses, mais notamment la communion des divorcés remariés. Au début, c'est ça. Une fois que ça passe dans l'imaginaire collectif, bénédiction des homos. Ça passe dans l'imaginaire collectif, peut-être pas à 100%, mais plutôt bien. Donc, maintenant, on fait venir danser, Juan Travelo, dans l'enceinte, quoi, directement, quoi. Prenez par l'avortement, c'est début, on rassure un peu, comme ça, c'est pas fait dans l'illégalité, c'est fait par le docteur, on peut contrôler, on fera attention, etc. Puis, on en vient aujourd'hui où on se pose la question de reculer les semaines sans cesse plus, de faire rentrer ça dans la Constitution. Alors qu'en même temps, la science permet bien de définir quand même qu'un fœtus, c'est un quasi-bébé, c'est un bébé plein à en devenir. Au bout du sixième mois, il entend, il a les six sens. Même avant, il les a peut-être pas tous, mais enfin sa vie, je sais pas. Tout cela est très inquiétant. Et voilà, à chaque fois, quand ça commence à dégénérer, vous laissez passer les mois, les années, et vous voyez que ça va de mal en pis. C'est toujours comme ça. Sur cette question précise, nos ennemis qui sont toujours en train de dire « Oh, moi, je crois en rien, je crois en la science, je crois pas en Dieu », un peu comme cette petite perruche qui nous fait le plaisir d'être dans notre introduction sonore à chaque début d'émission. Ils nous disent « Ah bah la science ». Alors là, pour dire finalement le fœtus, c'est qu'un amas de cellules et qu'il rejette tout ce que tu viens de dire à propos des sens, etc. On écarte tout ça. Donc là, du coup, la science, ils y croient plus. Ils sont à un niveau quand même de dégénérescence où finalement, ils savent plus que c'est qu'un homme ni une femme. Quand vous leur posez la question, bah d'accord, on peut se déclarer comme ça, homme, femme, d'accord. Qu'est-ce qu'une femme, en fait ? Vous leur posez la question, qu'est-ce que la définition d'une femme ? Ces gens sont devenus incapables de répondre. You just really don't want to answer the questions, do you? I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies, which is what I do. You wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Mm-hmm. Les chromosomes XY, tout ça. Non. Maintenant, c'est je peux le devenir. En même temps, c'est très très confus en fait dans leur esprit. Et ils vont mettre en avant la science en même temps. Écoutez, moi je pense qu'ils sont contrôlés par des démons, tous ces gens-là. Je vais citer la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je pense que tout a été annoncé et prophétisé. Nous sommes à un moment assez particulier de l'histoire et de l'histoire du monde et de l'histoire de l'Église. Il y a une accélération, bon, même si on est dans la gadoue depuis des dizaines d'années. Mais voilà, là, si on combine ce qui est en train de se produire avec les homosexuels, les transsexuels, les James Martin, ces délégations de bouddhistes qui sont accueillis pour célébrer un culte païen dans les plus vieilles basiliques de Rome. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été prophétisé dans l'Apocalypse. C'est le retour du paganisme à Rome. Et Saint Jean nous annonce dans l'Apocalypse que la bête qui était et qui n'est plus, au moment où on le lit, voilà, le paganisme a disparu de Rome. Il était, mais il n'est plus. Bah, cette même bête vient, elle arrive, il nous dit, et elle va à sa perdition. Il faut quand même lire le temps dans lequel on est. Ça peut nous être reproché si on refuse obstinément de le faire. Il ne faut pas s'en servir comme d'une excuse pour justifier de la paresse ou justifier des choses injustifiables. Mais il faut quand même dire ce qui est. Et voilà, le dire parce que c'est vrai, parce que c'est là. Ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable et de faire comme si de rien n'était. La politique de l'autruche. Voilà, je ne pense pas que c'est quelque chose... C'est pas une qualité, c'est pas quelque chose pour laquelle Dieu nous félicitera. Voilà, on constate, on en est là. Et ça veut pas dire que l'Église n'a pas triomphé. Voilà, tu disais tout à l'heure, Bobby, que c'est bien qu'il y ait ce sacre des nouveaux évêques pour pas se faire bouffer par les modernistes. Mais moi, je crois profondément que c'est nous qui allons finir par les bouffer. Il faut simplement prier avec ardeur pour que la gloire de l'Église et la gloire de Dieu soient à nouveau manifestées. Pour l'instant, elle se manifeste juste en ce que cela a été prophétisé, à mes yeux. Mais voilà, j'ai hâte de voir tout cela s'effondrer parce que c'est absolument insupportable. C'est comme voir l'enfer régner. L'enfer existe, les démons existent, et c'est terrible. Vous pouvez relire ce que disent les enfants de Fatima. Il y a des saints qui ont vu l'enfer. Les démons nous haïssent à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Ils veulent notre perdition éternelle. C'est une haine qui est insoupçonnable, qu'on s'en rendra compte, les damnés s'en rendront compte, parce qu'ils seront en phase 2 pour l'éternité. Nous, je pense qu'au jugement dernier, on s'en rendra un petit peu compte. Mais là, on peut aussi, c'est eux qui sont en train d'agir, d'accord, en face de nous. Je suis entièrement d'accord avec tes conclusions, Lizinko. Je suis convaincu que c'est nous qui allons les bouffer, parce que nous faisons des enfants. Nous continuons à respecter la loi naturelle. Nous avons une vie spirituelle, nous avons des prêtres, nous avons beaucoup de prêtres, nous sommes en expansion, on continue à faire vivre, alors que les modernistes, ils ne pratiquent plus, ceux qui pratiquent, ils sont quand même bouffés par des idéologies mortifères, lesbianisme, homosexualité, contraception, avortement, enfin ils acceptent un peu tout et n'importe quoi, il n'y a plus de familles nombreuses, il n'y a plus de familles du tout, donc d'un point de vue démographique, je pense que une transition qui va se faire, et ça a déjà commencé d'ailleurs, et tout le monde le voit, parce que les églises des modernistes sont vides. Et là, je voudrais apporter un élément qui est tombé il y a à peu près je crois que c'était une semaine, pour le diocèse de Lyon, chez les modernistes. Maintenant, ils en sont à un point où cette année, eh ben, en fait, il n'y a aucune ordination de prêtre. Voilà, zéro. Pas un, deux, trois, zéro, rien du tout. Ils n'arrivent même plus à remplacer leurs prêtres. C'est des gens qui sont sur un déclin, et nous, nous sommes une puissance montante. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, tu donnes des éléments, je dirais, humains, et moi, je rajouterais aussi, surtout, nous avons Dieu avec nous. Et je remontais tout à l'heure à la communion divorcière-mariée pour donner des exemples passés qui ont un peu mené à une dégénérescence accrue. Et Elzinko a souligné un très bon point aussi avec cette espèce de retour au paganisme. En effet, dans le syncrétisme païen, d'ailleurs, on assimile un peu les dieux des autres, finalement. On conquit d'autres peuples, la mythologie se mélange un peu, etc. L'Église Vatican II a ce type de prétention avec l'œcuménisme. Et ils le pratiquent sans cesse, ou ils assimilent pas tout à fait les autres religions à eux, les fausses religions à eux, mais voilà, ils sont un petit peu l'Église de toutes les religions, en dialoguant, en acceptant de dialoguer avec tout le monde. L'œcuménisme dans le Concile a été aussi une inspiration très, très forte, et a été manifestée surtout par la présence au Concile des représentants de différentes religions. Nous avions toujours devant nous les représentants de toutes les religions, protestantes, bouddhistes, musulmanes, enfin il y avait des églises orthodoxes. Et bien, le seul fait que ces représentants soient devant nous constamment pour toutes nos discussions, pour toutes nos interventions, était je dirais un poids qui nous rendait parfois difficiles nos discussions entre nous. Nous ne voulions pas, vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas de l'Église, avoir des discussions trop véhémentes. D'autres, au contraire, voulaient plaire à ces délégués et par conséquent faisaient appel à leur assentiment, en quelque sorte, n'est-ce pas, au sujet de thèses qu'ils voulaient développer. Tout cela avait déjà une influence œcuménique pénible, difficile. En quelque sorte, ces groupes, qu'ils le veuillent ou non, ils font un petit peu partie de ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs le salut faussement humaniste, hypocrite, le salut universel que voit le modernisme là-dedans. Il y a un genre de naturalisation de la surnature, et inversement, on exagère la surnature. En général, quand on détruit l'ordre des choses, ça, voilà, dans les deux sens, ça va pas. La foi n'est pas assez rationnelle, on exagère le sentiment. Il y a toutes ces petites choses-là, et à partir du moment où finalement on est de race humaine, on est sauvé, quoi, dans l'absolu. Ah oui, tu professes ton truc, voilà, t'es bouddhiste, t'es je sais pas quoi, t'es païen de je ne sais quelle obédience, et bah finalement, comme tu acceptes le dialogue avec nous, bon, on t'agrège un petit peu comme les guénoniens, voilà, toutes les traditions du monde sont agrégées en nous, tout va bien. Donc bon, il y a un genre de victoire de paganisme dans la pire acception du terme qui existe et qui culmine en effet à Rome avec ce type de pensée complètement dégénérée. Mais en plus, tu n'as plus rien à faire pour être sauvé pour un moderniste. Enfin, eux, tant qu'ils vivent bien sur cette terre, bah, tout va bien, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est que le ciel finalement pour eux, puisque tout le monde y va. Sauf quand tu t'appelles Monseigneur Vigano, là quand même c'est pas très bien, tu remets en question la légitimité du pape François, quoi. L'enfer n'existe pas, l'enfer est vide. Sauf pour Adolf Hitler, il y est tout seul. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, mein Träger steht ein Blatt. Hey Hitler, what's the matter, little guy? Schäden, du Tannenbaum, mein Träger steht dein Blatt. Oh, you don't have a Christmas tree. No, it's night to Winterfinnish night. Well, I tell you what, maybe we'll have ourselves a little Christmas right here. Come on, everyone, gather around. Ce qui est absolument frappant, c'est il faut imaginer, bon, au moment où Saint Jean annonce ce qu'il annonce dans l'Apocalypse, on a la fin du premier siècle, mais après, il faut s'imaginer, une fois le triomphe du christianisme effectué, dans tout le Moyen-Âge, à partir du 4e siècle, du 5e siècle, c'était inimaginable de voir le retour du paganisme à Rome, inimaginable. Là, aujourd'hui, on le voit. Les exégètes de l'Apocalypse, il y en a certains qui ont compris que c'est ça qui allait se passer, mais ça semblait tellement, tellement loin. Le monde entier s'est vraiment converti au Christ. Il a vraiment les gentils ont vraiment abjuré leurs idoles. Et là, aujourd'hui, on retombe dans la même chose, d'une façon encore plus diabolique, quelque part, avec ces espèces de... Voilà, ce Satan déguisé en ange de lumière, déguisé en apôtre de Christ, comme dit saint Paul. Les néo-païens qui se font les contempteurs du christianisme et les apologistes du paganisme devraient se réjouir de Bergoglio, puisqu'il ramène toutes les idoles du monde vers le paganisme. Il remet le paganisme dans Rome. Vous croyez que le paganisme était le bien et... Bon, je ne veux pas être dur avec eux, mais bon, voilà, c'est encore une contradiction. Tant qu'il y avait le christianisme à Rome, tous les effets pervers que vous dénoncez de l'immigration, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème, que je sache. C'est qu'à partir du moment où on a abjuré la religion catholique et où maintenant on ramène toutes les idoles dans les églises. C'est là que culmine la mort de notre peuple. C'est en quelque sorte un peu respecter la condition de pape de se dire « Ouais, non, il est peut-être pas là, celui-là, parce que de là à valider une telle impureté, alors que saint Paul ne nous recommande même pas, voilà, en faire mention limite. » Là, en plus, il accueille donc directement ce qu'on appellerait des personnes transsexuelles dans les murs du Vatican. Et en fait, ça, c'est perçu un petit peu comme une reconnaissance de leurs droits. Eux, ils diraient de leur dignité, etc. Quoi qu'ils disent, en fait, juste le fait de les faire venir de façon positive, on va dire. Voilà, selon le taux de progressisme de chacun, voilà, c'est un encouragement, c'est un soutien. C'est, enfin, le signe symbolique est archi fort, en fait. Mais c'est ça. Hein, c'est, oui, c'est, le, c'est la normalisation, l'accueil, l'amour du péché. Alors, on l'a dit tout à l'heure, saint Thomas, il enseigne qu'il faut haïr le pécheur en tant que pécheur. Il faut l'aimer en tant qu'il est capable de Dieu, mais il faut le haïr en tant que pécheur, quitte à le mettre à mort s'il est trop endurci. Là, c'est l'amour du pécheur en tant que pécheur. C'est une trahison. C'est une trahison des enseignements et de la pratique. C'est l'inversion. Alors qu'à côté, il cherche à nous flinguer, nous, en fait. Alors qu'on est seul vrai catholique. Enfin, je l'espère, mais bon. En fait, finalement, tous ceux qui ont le droit de citer, c'est tout sauf nous. Ouais, on le disait avec l'interdiction des messes en latin pour les pluralis, quoi. Comme en enfer, les vrais catholiques ne pourront pas y aller. Finalement, que ça ait lieu, de toute façon, ça a l'air d'être assez inévitable. Heureusement, ça provoquera quelques schismes aussi parmi eux, enfin, la réaction de ces schismes, pas dans le mauvais sens du terme, on va dire. Hein. Mais voilà, certains seront peut-être trop obéissants, malheureusement, donc ils vont courber les chines, et d'autres non, quoi. Alors voilà, donc ouais, de transsexuel accepté, rite latin non, et même l'époque du vaccin, là, il avait l'air d'être très croyant, Bergoglio, je me souviens qu'il en faisait beaucoup l'apologie. Hein. C'était limite le seul dogme qui était autorisé. C'était le sauveur, mais au-dessus peut-être du Christ, là, c'était un peu spécial. D'ailleurs, ouais. Au niveau des mesures soi-disant sanitaires, les modernistes étaient en avance sur tous les gouvernements. Oui, ils ont appelé la tyrannie. Ah, encore oui, mieux que Macron. Fait oui, ils en faisaient un péché. Hein. Ces gens-là ne parlent jamais de péché. Tout est acceptable. Mais alors, émettre des doutes sur... tu veux pas recevoir le vaccin expérimental? Attention, c'est un péché contre le prochain. Ah là, on parle du péché, là. Ah ouais, tiens. Ce qui est le plus lourd, le plus rude, hein, quoi, parce que tu dis t'es un mauvais citoyen et tu insultes quelqu'un de pécheur. Entre les deux, je préfère que tu me dises mauvais citoyen, presque, tu vois. Le fait d'acquiescer au péché d'autrui, notamment au péché antinaturel, c'est en soi un péché mortel aussi. Oui, parce que c'est un péché qui crie vengeance devant Dieu, comme tu l'as bien dit. Saint Paul le précise, ça. Au moment où il parle du péché des homosexuels, il rajoute « et ceux qui les acquiescent, qui les applaudissent » ou même pas les applaudir, mais simplement ceux qui disent que c'est bien ou qui disent pas que c'est mal. Donc, comme pour l'avortement, ça fait beaucoup de monde, par exemple. Et ça fait beaucoup de monde, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, l'autre message envoyé perçu, c'est le côté les non-principes modernes très efféminés de compassion, de tolérance, de compréhension, etc. En fait, ça va vraiment avec le délire droit de l'homme, Vatican II, etc. Hein. C'est tout le bagage et un dialogue entre guillemets œcuménique supplémentaire, non pas avec une fausse religion, mais avec une fausse pratique. Aujourd'hui, on dirait une orientation, quoi, une orientation viciée qui se résume un petit peu par le postérieur et selon leur soi-disant théorie, le genre. Mais bon. Ben c'est l'idée de la tolérance. Ça remonte même à Voltaire. En fait, il se servait de la tolérance pour toutes les religions. C'était son moyen d'attaquer la vraie religion. Et ça, il y a un auteur qui en parle bien au XIXe siècle, mais Ernest Hello, il explique bien que en fait, il y a une dimension de haine à l'intérieur de l'amour. Et c'est la haine du mal, en fait. Si tu aimes le bien, tu es obligé de haïr le mal. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette fausse notion de l'amour dans laquelle il n'y aurait aucune haine, en fait, de rien, de quoi que ce soit. Il faut tout accepter, etc. C'est cette hérésie de l'amour, en fait. L'amour l'extrême droite. Pas... Oui, voilà. Oui, sauf qu'il y a une exception, quand même, dans leur truc. C'est... Les tradis, l'extrême droite, non. Oui, mais voilà, mais l'extrême droite, c'est ceux qui conservent cette façon d'aimer, en fait. Le seul péché, c'est d'être raciste. Ouais. On en rigole, mais on est limite là. Hein. L'amour de Dieu, non, n'est pas inconditionnel. Il est peut-être infini, mais il y a aussi sa justice qui s'exprime. Et voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. L'amour n'est pas une chose qui arrase tout. La justice reste, la force reste. Voilà, il y a tous les autres éléments qui rentrent en compte. Et son amour n'est pas inconditionnel. Voilà, si l'homme fait le péché, fait le mal. Et là, s'il s'expose à des conséquences gravissimes, surtout s'il est en état de péché mortel et qu'il trépasse dans la foulée. On le voit bien avec cette histoire d'homosexuels et transsexuels invités au Vatican. On pourrait nous répondre, oui, mais d'accord, mais Jésus aussi, il allait avec les pécheurs. Mais il allait avec les pécheurs pour leur dire, bah, vous êtes dans le péché, changez de vie, accédez au repentir. Allez, faut changer, là. C'est tout le message de l'évangile, c'est ça. C'est tu as la faiblesse, tu la corriges. Là, ce qui se passe avec François, c'est l'inverse. C'est tu as la faiblesse et on te la valide, on te l'encourage. Donc, ouais, il croise... on aurait pu inviter, je sais pas, en théorie, quoi, on aurait pu inviter les transsexuels et les homosexuels au Vatican, si c'est pour leur dire, bon, bah, changez de vie, voici le message du Christ, voici la voie pour accéder au paradis. C'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. C'est complètement l'inverse. Hein. Il croise Marie-Madeleine et en fait, alors qu'elle est un peu en état de repentir, il va dire, mais non, continue ma belle, quoi. Bergoglio, c'est ça, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y avait Christine Boutin, bon, c'est une référence tradie, c'est certes, plutôt démocrate chrétienne, mais elle avait dit une fois que l'homosexualité est une abomination, et je crois qu'elle a été blanchie pour ça. C'était assez étonnant. Bah, c'est la première chose que dit Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, quand il commence à prêcher, c'est « faites pénitence ». « Faites pénitence parce que le royaume de Dieu est proche ». Donc c'est, enfin, je sais pas, c'est changer hein, tout de suite. Voilà, c'est pas une parole d'acceptation tout de suite. C'est oui, il y a une grande récompense qui est là. Voilà, le royaume de Dieu, ça peut pas être mieux. Faites pénitence d'abord. Ça me fait penser à un passage aussi. Je ne sais plus là le chapitre. On le mettra en référence. C'est le passage où les apôtres disent à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une tour qui s'est effondrée et que beaucoup d'hommes, de personnes sont mortes. Et il a dit, ils disent, Seigneur, c'est terrible. Et lui, il a cette parole très dure, mais très vraie, en fait, et on doit y penser tous les jours. Il dit, si vous ne vous repentez pas, il vous arrivera la même chose. C'est-à-dire que la mort peut tomber d'un jour à l'autre, et en fait, on doit penser à son salut toujours. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir vivoter comme ça et être dans le péché, ils vont un jour, le couperet tombera. Et malheureusement, ils ne se rendront même pas compte, parfois. D'ailleurs, Pie IX, je crois que c'est Pie IX qui avait ordonné qu'on parle au moins une fois de l'enfer, en fait, dans les sermons, dans l'année. Ou quatre fois, je ne sais plus. Ah, ça, c'est vraiment à vérifier. Mais il obligeait, c'est vrai que l'Église, dans les sermons, on ne parle pas tout le temps de l'enfer, naturellement. Mais on parle plutôt du ciel. Mais il est essentiel quand même que les gens sachent ce que c'est que l'enfer. Bah, il vaut mieux en entendre parler ici-bas en sermon que le découvrir de visu après. D'ailleurs, c'est dans le chapitre 33 de sa vie écrite par elle-même, Sainte Thérèse d'Avila avait demandé la place qu'elle aurait éventuellement en enfer, et puis le Dieu lui a montré. Et croyez-moi, je pense qu'après, elle n'a... bon, elle était déjà une sainte. On peut lire ses écrits, d'ailleurs. Et Saint Jean Bosco aussi, qui a une vision de l'enfer, qui en a écrit. Les petits-enfants de Fatima aussi. Mais se le représenter clairement... Même quand on est avancé dans la vie spirituelle, ça fait un bien fou, en fait, parce que ça donne la crainte de Dieu à un niveau stratosphérique, et ça, c'est un moteur. C'est un véritable moteur pour s'améliorer. L'exercice spirituel de Saint-Ignace, baptisés qui veulent se faire baptiser, c'est possible d'en faire une, hein, ça aide beaucoup aussi. C'est pas un marin de Lubavitch, Saint-Ignace, selon les c'était sources. Un Amados franc-maçon du XVIe siècle. Quoi. Ah oui, ça n'existait pas, la franc-maçonnerie, mais c'est pas grave. C'était un crypto-franc-maçon, c'était un proto-franc-maçon. Non, plus sérieusement, les exercices de Saint-Ignace, en fait, il y a beaucoup de méditation sur l'enfer, notamment. Et Et si vous faites une semaine d'exercice, les premiers temps, le but c'est de faire une confession, une bonne confession, et une bonne confession, il faut la contrition. Il faut savoir ce que ce sont les conséquences du péché, donc l'enfer, la peine du péché. Et en fait, dans les exercices de Saint-Ignace, vous pourrez méditer dessus, et c'est très très important de le faire. Enfin, c'est intense là-dessus, ça peut vraiment vous marquer et provoquer une véritable conversion, même quand vous êtes déjà catholique et affermi. La conversion du cœur vient parfois après, et vous avez raison d'axer sur le fait de pratiquer la pénitence et la foi des fidèles aussi, ne serait-ce que pour mériter mieux, en fait. Si nous sommes dans une telle situation, c'est que, voilà, dans un sens général, pas forcément chacun de nous, si ce n'est de nos péchés, nous ne méritons pas mieux à l'heure actuelle. Et il faut bien pratiquer la foi catholique honnêtement, pleine et entière, et en même temps savoir repérer où est l'Église par ses notes, notamment celle de l'unité. Alors, est-ce que c'est autour de l'herméneutique bidon de la continuité pondue par Benoît XVI, qui permet donc de faire tout et n'importe quoi avec Vatican II, et en fait de retomber sur ses fesses et de dire « mais non, finalement, on défend le dogme après un quadruple salto arrière en se fracassant la tête ». Ambiguïté théologique, mais en fait non, il y a la continuité. Non, en fait, peut-être pas. Voilà, il y a des divisions internes, mais où placer l'Église, l'unité, elle est déjà doctrinale, dogmatique, dans ses rites, voilà, c'est là qu'on voit qu'elle existe, qu'on peut la constater, quoi. Il y a quelque chose de concret, une profession de foi vraie, publique, sincère, les rites conservés, c'est tout ça, quoi, qui provoque d'abord cette unité. La base, déjà, c'est le Christ et son Église, il n'y a rien en dehors. Au début de l'évangile de Saint Matthieu, il y a d'abord le précurseur Saint Jean-Baptiste, qu'il est né avant Jésus, il a prêché avant Jésus, il est mort avant Jésus, et il donne un petit peu un résumé avec son baptême, lui baptisé juste dans l'eau en vue de la conversion, et il invitait tous ceux qui allaient le voir dans le désert à la pénitence, en fait, à la confession de leurs péchés, comme le prérequis pour recevoir le baptême de l'Esprit. Et juste avant que paraisse Jésus, il déclare la chose suivante, c'est le verset 12 du chapitre 3. Il parle de Jésus, il dit « Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Et ensuite, verset 13, « Alors paraît Jésus. » Voilà, c'est quand même intrinsèque au fait d'être catholique, au fait de suivre le Christ, de faire pénitence, en fait, et d'avoir cette épée de Damoclès de brûler au feu qui ne s'éteint pas. Même les plus petits péchés, entre guillemets, en fait, on s'imagine pas, même des fois, on dit du mal des gens, et même ça peut nous mener en enfer, en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait, on se rend pas compte à quel point c'est puissant et c'est grave dans l'éternité. Mais alors, combien plus les choses manifeste comme l'homosexualité et la transsexualité. On ne peut pas accueillir, il faut rappeler, la charité, c'est de rappeler à ces gens-là qui continuent, ils vont dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est pas marrant, mais voilà, c'est sûr, c'est certain, c'est ça qui va se passer pour toi. Que change tout de suite, personnellement pour toi. Je finirai par une note assez courte. Je citerai en substance Saint Dominique Savio, donc qui était, il me semble, un des élèves de Saint Jean Bosco, qui est un jeune saint qui est mort à 14 ans, un très beau petit jeune homme qui était très pieux. On lui demandait, il avait déjà une réputation de sainteté quand il était déjà dans les écoles. Et on lui a demandé comment il faisait en fait pour être un saint. Il a dit, vous savez, je vais juste à la pénitence, je vais juste me confesser, je prends la communion, le Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est tout. Il pratique les vertus naturellement, mais il disait que pénitence et communion, c'est le regret de nos péchés et notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission, on va dire, très très dense. On a beaucoup parlé du modernisme et de la tradition, on va dire, émission un peu spéciale. Je tiens à préciser qu'on va lancer maintenant la musique finale, qui est d'apprendre sur les tons de l'humour, même si sur le message politique, on ne va rien retirer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Mais bon, essayez de ne pas trop prendre la mouche, on essaie un peu de rigoler. Avant de couper l'émission telle quelle, je voudrais faire quand même un petit rappel, c'est que le mois dernier, on avait parlé de l'aide que les auditeurs pouvaient apporter pour populariser Oremus, et on avait donné notamment des consignes pour faire vivre le podcast aussi sur YouTube, et on a besoin de votre aide. On a aussi posté des messages sur Telegram, par exemple, ou Gab, si vous voulez suivre une procédure pour nous aider sur YouTube. Je renouvelle cet appel. C'est un peu la nature humaine, vous savez. Si vous avez 100 auditeurs, par exemple, pour un podcast, on va dire 90%, ils vont juste l'écouter, sans plus, il y aura 10%, on va dire, de proactifs, en gros. C'est comme ça, peu importe le contexte, c'est comme ça, c'est nature humaine, on n'y peut rien. Et nous, on a de très très bons chiffres. Vous n'avez pas accès à tous les chiffres, mais on va dire, par rapport à tout ce qui est partagé un peu à droite à gauche, et nous, on a accès à beaucoup plus de statistiques. On voit que le podcast marche très bien et on vous en remercie. Et on constate malheureusement que pour les gens qui sont un peu proactifs en termes de proportionnalité, ça mériterait d'être plus étoffé. Donc, pour ça que je me permets de faire cette petite relance. Et désolé de casser l'ambiance, mais c'est extrêmement important. Donc, très simplement, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. J'ai du contenu en plus que je peux proposer dans le mois en cours, pas seulement le podcast mensuel, pas seulement la seconde partie, par exemple, des entretiens de Joseph Merel qui arrivera en temps voulu, ou pas seulement les compilations du Talmud, Rigolote, etc. Il y a d'autres contenus qu'on a un peu sous le coude et qu'on pourrait, on va dire, forcer un peu à la diffusion. Donnez-nous, s'il vous plaît, la motivation pour vous donner plus. On compte sur vous, s'il vous plaît, supportez-nous de manière plus active pour ceux qui nous écoutent et pour faire un peu plus de pub, parce que vous avez vu, nous, on est quoi, 6-7, et on peut pas faire le travail de 100, 1000 personnes, c'est pas possible. Donc on a besoin de vous de manière, on va dire, purement mathématique, concrète. On va se focaliser à fond sur YouTube. J'ai une petite aumône à vous demander, je vous demande juste, tous ceux qui sont arrivés à ce point ici, là on va terminer l'émission, juste faites pause et dites juste un « je vous salue », faites un signe de croix, et dites un « je vous salue Marie » pour l'équipe d'Orimus. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Merci. C'est parfait. Et si vous pouvez en dire un second pour ce pauvre Johan Livernet qui est toujours en opération et qui subit des traitements médicaux assez lourds, n'hésitez pas non plus, je vous remercie et je vous dis au mois prochain. Écrire quelque part des bouquins qu'on se compte par milliers, comme les torches cul de Pierre Hilard. Marquis de la Franquerie périt. Oh, oh, oh, oh.